Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonsoir à tous et bienvenue dans la fucking kermesse numéro 21. Oui, on aurait aussi pu s'appeler Duperman, mais on sait que ça fait du mal au podcast quand on se met une méga race. Allez, ah, ouais. Bien que personne n'aura compris, mais ça fait quand même plaisir. On remercie bien sûr la commune de Savigny-sur-Oise, dans laquelle on enregistre ce soir. Il y a de l'intimité. Merci à vous. Ouais, je crois que j'ai dit Savigny l'autre fois aussi, mais sur Savigny, Or, je crois. Oui, sur... mais là c'est sur Oise. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On reçoit qui? On reçoit aujourd'hui Charles. Bonsoir Charles. Salut. Ça va? Ça va. Ça me fait hyper plaisir d'être retour, surtout pour ce podcast qui signe le retour du vrai esprit de l'AFK, tu vois. Ah, le versus. Charles, il connaît les bails, putain, et c'est oui. Beau. Putain, c'est qui est-ce qui avait dit le vrai esprit de l'AFK? Tromboise 6-6, je crois, hein. On s'en souvient. On s'en souvient. Le versus est le vrai esprit de l'AFK. Bref, moi, Charles, ça, notre camarade de Hooniverse est là pour nous parler parce que lui, il lit des comics, donc il sait de quoi il parle et pas nous. Lui non plus, il a pas d'amis le soir de la fête de la musique. Ça, Charles, je suis pas trop sûr, mais. Bon, on verra ça. Il y a aussi, bien sûr, Zaza qui fait son retour permanent dans le fucking kermesse. Ça va? Bonsoir. Oui, ça va et toi? Tu fais de bonne humeur? Oui, plutôt, oui. Eh bien. Mais tu n'y es pour rien. Eh bien, je sais. Et il y a enfin Steven. Et oui, salut tout le monde. J'ai ça la sale impression qu'on n'est pas prêt, mais. On n'est jamais vraiment prêt, hein. C'est ça. Et il y a aussi finalement. Clara derrière dans les radins qui a géré la technique de main de maître pour le Périscope. Et parce qu'on est en live sur Périscope pour le moment. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Mais pour le moment, on y est. Mettez donc bonsoir aux gens de Périscope. Merci, bisous. Et bonsoir aussi à ma maman qui nous écoute sûrement. Et du si coup... vous ne savez pas actuellement qu'on est sur Périscope, ça veut dire que vous ne nous suivez pas sur le compte Twitter ou le compte Facebook. Donc et on c'est rappelle, pas bien. Vous nous trouvez avec le nom F Kermesse. Et voilà. Eh bien voilà, maintenant qu'on s'est bien sucé la bite, on peut commencer l'émission. On parle de quoi ce soir? On parle de Hercule contre Superman. Deux figures emblématiques, j'allais dire, de la pop culture. Une sorte de, si tu veux, de marronnier, de l'homme fort, viril et un peu crypto-gay. Pas que crypto, hein. Ça, Hercule était gay, mais on verra ça plus tard. Enfin, il était bisexuel. Voilà, et des informations qui pleuvent comme s'il en pleuvait. du coup... On va pouvoir commencer ce petit versus tranquillement. Steven nous fera le plan tout à l'heure. Il y aura bien sûr des chroniques comme telles que La vie Patrick faite par moi-même. Cette fois-ci, une vie Patrick un peu spéciale. Oui. Écrite en vers. Vous allez voir, rester jusqu'au bout. C'est le mec veut nous montrer qu'il est poète. On lancerait pas le. Oui. Oui. Alors, attends, je finis et après, on va dire. C'était une belle transition, mais elle est gâchée car je n'ai pas terminé. Il y a aussi une nouvelle chronique faite par Steven qui va nous parler de philosophie. Oui, tout à fait. Un petit cours de philol de l'AFK. Philol. J'ai appelé ça philol quand j'étais au terminal. Ouais, je sais. C'est pour ça que c'est la philosophie de vie. Exactement. Ah. Et il y aura enfin le retour de cette chronique faite une fois dans la FK, une fois dans la DC, l'autodaf fécal. Eh oui, une bonne tartine de merde. Merci. Très bien. Du coup, avant le petit roue plateau habituel, vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique, dont c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête à toutes les musiques, bien sûr. Allez, on commence maintenant avec le roue plateau. Wouh. Ah, la. Alors, en fait, j'avais pas lancé parce que tu as oublié la transition vers les bouteilles qui sont sur la table ici alors, ce soir. Alors, c'est parce que je... Oui, alors... Bah, c'est un peu le roule-plateau de l'AFK, hein, c'est qu'on a eu des bonnes nouvelles. On remercie Julian qui est venu au cybercafé où j'œuvre, le cybercafé du Capitaine, pour nous déposer une bouteille. Il a écrit des Stavro FK, c'est génial. Et c'est une bouteille de Jack Daniel's. Mais FK, c'est écrit en plus gros que Stavro, bah... donc c'est pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais c'est notre premier cadeau d'auditeur, c'est celui-ci. Cette bouteille de Jack Daniel que j'ai entre les mains. Et c'est incroyable, c'est un beau moment pour nous. Ça nous fait très plaisir. Des donc gros merci bisous. À toi, Julian, je sais pas comment on dit, mais merci à toi. Et également, donc, on a aussi reçu une caisse. Un pour coffre. Et une belle caisse. Pour se mettre des. Caisses ouais. Hey hey hey, je gagne un point, maintenant. Tu gagnes évidemment un point au quiz de la vie. du coup, une caisse de vin bio fait par le domaine de Pélissol qui est sur Twitter, qui finance la DC en vin et maintenant qui est en nous live, aussi. Je crois, actuellement. Eh bien, big up à toi. Oui, merci. Je crois que c'est Vincent, mais je suis pas sûr. Belle bouteille Pélissol. Bel instant promo. Moi, j'ai déjà pu en tester un qui était fort bon, fort gouléant. Bah, très bien. On va pouvoir les ouvrir. Le mec qui teste avant tout le monde. Oui. Je suis alcoolique. Ok, bah c'est super. Maintenant qu'on a fait ce petit instant promo, merci à vous. Envoyez-nous bien sûr tous vos bouteilles, on les boira avec plaisir. On va pouvoir faire le roule plateau. Alors, qui commence ce petit roule plateau? Bien, c'est Charles. Allez, bah moi j'ai vu un film dernièrement. qui s'appelle Merci, The Char. Nice Guys. T'as vu, je vois. Ah, le film, ça avait l'air vachement bien. Ouais, ça avait l'air grave cool. Bah, je confirme, c'est vachement bien. Je sais pas si vous êtes, vous connaissez un peu Shane Black et son univers. Iron Man 3. Qui a fait Iron Man 3, mais qui a fait aussi Kiss Kiss Bang Bang et qui a écrit les armes fatales, en fait. Ah ouais. Et qui, en fait, est un espèce de génie du dialogue et du buddy movie et tout ça. Et là, c'est ça, c'est, il reprend tout ce dont il est ultra fan, c'est les années 70 et tout ça, en reprenant, avec toujours dans des situations, mais pas possible, tu sais. Donc là, c'est mêlé à l'industrie du porno et tout ça. Et c'est, mais à ça mourir. Délire, ouais. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, Kiss Bang Bang, c'est le truc avec. Comment il s'appelle Robert Downey Jr. Oui, Robert Downey Jr. et j'oublie l'autre. Mais ouais. Voilà. Donc Nice Guys, c'est grave bien. Ouais, Nice Guys, c'est drôle génial. Ou c'est juste. C'est drôle, c'est bien filmé. Il y a plein d'idées de gags et de mise en scène qui sont géniaux, quoi. Et voilà, moi je vois. Allez-y, quoi. Parce que les buddy movies de flics, a priori, c'est un truc qu'on a rincé. Ouais, mais c'est pas vraiment de flics, là, tu vois. Bah, j'espère que ce serait c'est mieux un que. Enquêteur, ouais. Ouais, Top Cops. Moi, c'est vraiment la dernière image que j'ai de buddy movie de flics. Cette déception Cops. Ultime, ouais, Kevin Smith. Souviens-toi quand tu étais drôle. Il nous écoute lui aussi. Et oui, il est en live sur Periscope, on m'a dit. Et toi, Zaza? Moi j'ai vu le dernier Wundgrefn, le mec qui a fait Drive. Et The Neon Demon. Le démon des néons. Excuse-moi d'avoir un accent de merde. Je ne t'excuse pas. Et c'était de la merde. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé. Parce que. Bon, en gros, l'histoire c'est une jeune campagnarde qui débarque à Los Angeles et qui se fait repérer par des marques de luxe, quoi, de mode, et qui en gros va commencer à faire des défilés et va peu à peu perdre son innocence et devenir perverti par le monde de la mode. Et il y a plein de trucs qui m'ont saoulé dans ce film. Déjà, le fait que le mec en gros il veuille dénoncer les travers de la mode, mais que esthétiquement son film c'est juste une pub de parfum de 2h30. Peut-être c'est fait exprès pour te montrer comment c'est esthétisant dans ouais, la. Ah, c'est comme le film non, chelou après... avec Scarlett Johansson. Ah ouais, c'était chiant ça, Under the Skin. Ouais, c'était chelou ça. Non, bah justement, en fait, ma critique principale, c'est que c'est très beau esthétiquement, mais que contrairement à Drive, c'est une esthétique qui sert pas le film en fait. Parce que Drive, genre, c'était une esthétique qui intensifiait certains moments où t'avais des personnages qui parlaient pas trop et du coup ça permettait de faire transparaître leur personnalité, quoi, d'insister comme ça. Et là, c'est juste. Juste esthétique, ça ne D'accord. sert à rien. Et à la fin, ça, je vais pas spoiler, mais ça part dans un délire avec genre des trucs super chelous, du cannibalisme, ouais, c'est gore, et tout. Ouais. C'est complètement perché, tu comprends rien. Et je suis allé voir avec deux personnes qui m'ont dit que c'était pourri aussi. Donc. D'accord. Voilà, je ne recommande pas du tout. Et je suis un grand fan de Drive, mais pas de Only God Forgives, contrairement à Stavro. Oui, c'est un très bon film, Only God Forgives, mais je n'ai pas encore vu Neon Demon, donc. Bah, c'est de la merde. Tu m'as déçu, oui. Tu m'as déçu. C'est le film qui est décevant, c'est pas moi. Oui, mais tu m'as déçu en m'apprenant une bonne mauvaise nouvelle. Voilà, d'accord. Bref. Et toi, Steven? Eh ben, moi, je vais parler d'un bouquin. Parce que les bouquins, c'est bien. Ah, mais et quel bouquin? Mais on le torche le et plateau là. Mais... Quel bouquin? Ouais, mais en même temps, vous disiez des trucs pas très intéressants. Alors, du coup. C'est gratuit. Non, je sais pas, j'écoutais pas. Pour être honnête. Quel connard. Il se rattrape en se rattrapant pas. Pour être honnête. Bon, alors l'acrobate. Moi, je vais parler d'un truc bien pour une fois. Un bouquin qui s'appelle La Horde du Contrevent. Oui, ah, depuis le temps qu'on te casse les couilles pour que tu le lises. Effectivement. En effet, vous le mec est fier de parler d'un bouquin, mais c'est le dernier à en parler, tu sais. Mais ouais, mais il faut bien, voilà, parler. Je sais pas. On n'en parle jamais assez de ce bouquin. Non, c'est vrai que vous m'avez cassé les couilles pendant très longtemps pour que je le lise. Bon, comme j'ai relativement peu confiance en vos goûts, je ne l'avais pas fait. Et là, j'avais rien à faire, donc je me suis dit bon, allez, on le lit. Et j'avoue que c'est une claque monumentale. Alors j'ai pas trop envie de parler du contenu parce que déjà ça c'est tout le monde sait à peu près de quoi ça parle je pense. Bah non, trop pas. Horde qui est à contrevent. Voilà, c'est si oui, mais... une bande de 23 personnes qui remontent le vent pour le trouver. C'est extrêmement clair. C'est l'histoire du RER, du ouais. RPR. Merde, j'ai raté ma blague. C'était grave drôle. C'est pas grave, on coupera au montage. Et le but c'est de trouver l'origine du vent. Ouais. Alors pour moi une des forces du bouquin c'est déjà la narration. C'est ouais. vrai qu'il y a une, 23 les 23 narrateurs qui s'enchaînent plutôt bien. Il y a vraiment une belle plume de ce niveau, à ce niveau-là. Et contrairement à Game of Thrones où il y a ce gimmick, je trouve que ouais. tous les personnages sont intéressants. Genre il y a pas un Game of Thrones, il y avait vraiment des chapitres entiers ouais, que ouais, je skippais ouais. parce que ça m'intéressait pas. Genre Brienne après. Par exemple Brienne, ouais. Et là ils sont tous trop bien quoi. Genre. Non là c'est et puis cette multiplicité de narration, ça apporte véritablement quelque chose parce que alors qu'ils sont tous ensemble et qu'en gros on suit tous leurs aventures communément. Les différents narrateurs sont du coup de différents éclairages sur ce qui se passe ouais. et c'est très bon. Mais au après, début tu t'y perds un peu. Bon, les 3-4 premiers chapitres, j'ai eu du mal. Oui, tu mets du temps. Ouais, ils le vendent avec un marque-page avec chaque symbole qui correspond à chaque personne, ouais. Donc ça va. Parce que oui, il n'y a pas écrit le nom, il y a juste écrit un symbole. Ouais, pour savoir de qui ça parle. Et puis surtout, on te balance dans l'univers cache sans intro. Ah oui, oui, mais ça, faut, je trouve que c'est un stress un petit peu. Hein. Parce que par exemple, il y a un truc qui revient souvent, ça s'appelle les crônes. Et ça, tu comprends rien au début de ce que c'est. Et c'est fait exprès. Et c'est fait exprès, et du coup, t'as vraiment envie de savoir ce que c'est. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est très bien. Après, d'un point de vue plus philosophique, je trouve que c'est excellent. Ça appelle vraiment des trucs dans des courants philosophiques entre Nietzsche et Deleuze qui sont. J'ai pas eu cette lecture, bizarrement. Curieusement, c'est pour ça que je suis là, pour t'apporter un éclairage là-dessus. Non, au niveau de moi, j'ai retrouvé un peu de Marc Lévy. Je suis pas bien fan habituellement. Moi, quand il y a du Houellebecq dedans pour moi. Quand on essaie de reprendre des théories philosophiques pour en faire des romans, je trouve que c'est jamais très bon. Et là, je trouve que ça s'en sort très bien sur toute la question de la répétition. Pourquoi jamais très bon? T'as des exemples? Non, j'ai pas d'exemple en tête. T'es un connard. J'ai pas que ça va foutre, mais. Là, c'est vraiment très bien mené. Une noélisation de Kant, peut-être. Donc, lisez-le. Le bouquin paraît impressionnant parce que ça fait quand même 700 pages. C'est un beau pavé, ouais. Mais c'est un one shot en même temps. Tout le monde l'a pas lu, Charles. Lis-le, Charles. Je le lirai. Mais j'attends qu'on me l'offre. Toi qui es un dévoreur avide de science-fiction, tu devrais le lire, Charles. Non, c'est vraiment bien. Moi, j'ai la fin de faire mon rond plateau. Est-ce que je le fais quand même? Eh bah oui, tu le fais. Vas-y. Eh bien, je parle de quelque chose de plutôt intéressant. Qui, je l'espère, vous ravira autant que ça m'a ravi. J'ai pas encore terminé, mais je remate Cowboy Bebop en ce moment, parce que j'ai vu Cowboy Bebop, cet animé des années 80, qui est sorti en 98. Personne ne dit rien en 98. Je sais plus. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Et donc, Cowboy Bebop, sorti en 98. Eh bien, c'est un animé, comment dire, qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux et des chasseurs de primes qui galèrent un peu, mais avec une ambiance un peu qui reprend des codes dans d'autres genres plus nobles entre guillemets, genre le western ou le il y a pas mal de jazz dans la BO, j'apprends à parler. Et donc ça fait une ambiance vachement chelou de voir ces courses de vaisseaux animés qui sont vachement animés même 15 ans après, qui sont vachement bien animés, vraiment c'est je sais pas comment ils ont fait, mais même pour l'époque ça devrait être fou parce que même aujourd'hui ça passe crème. Et du coup tu vois ces petits comme papa dans maman. Wow. Tu vois, t'es dans l'espace avec des vaisseaux et tout, ces espèces de personnages qui sortent tout le temps d'un film noir ou d'un western et qui, du coup, avec la BO, le jazz qui vient vers dessus, ça fait une ambiance vachement hétéroclite et vachement intéressante qui, pour un animé japonais, est vachement adulte, vachement bien ficelé. Pour moi, je crois que c'est vachement, non? Exactement, c'est vachement. Et du coup, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Pour un mec qui avait pas envie de parler, c'est pas mal. Moi, je l'ai vu, c'est vrai que c'est vachement bien. Ah, je suis pas du tout fan d'animé. Ah, Steven, il l'a pas vu. Non, j'ai pas vu. C'est le Make Baby Bob, c'est. Enfin, pour moi, c'est. Bah, franchement, c'est dans les top 3 énorme, pour moi des animés à voir, je pense. Ah, mais peut-être s'y mettre. Ah, c'est quoi ton top 3 du coup? Je sais pas. Allez, on fait des tops. C'est dans le top. Non, mais c'est dans le top 3. Même si t'aimes pas les animés, c'est vraiment intéressant de regarder un ou deux épisodes. Je vais montrer à ma. Tu mettrais pas. Qu'est-ce que tu regardais, Code Geass, toi, à l'époque? Ouais, mais je sais que c'est. Moi, ça me fait kiffer, mais je sais que c'est pas fou, quoi. Alors que Cowboy Bebop, si, quand même, je pense que c'est un classique et qui mérite son nom de classique. L'autre jour, tu parlais de l'épisode qui faisait référence à Alien, par exemple. Qui était avec qui est juste fantastique, qui est à mourir de rire. Il y a un épisode qui fait référence à Alien parce qu'ils ont laissé quelque chose pourrir dans le frigo pendant un an. Ça m'a fait penser à ma vie. Et du coup, ça prend tout le trope d'Alien dans. Bref, c'est vraiment beaucoup. Bref, c'est génial. Regardez, Cowboy Bebop, s'il vous plaît. C'est important. Voilà. On a terminé. Je sais pas du tout parler. Ça m'a agacé. Ouais, mais heureusement, t'as l'air énervé là. C'est qu'est-ce qui se passe? Moi qui vais pouvoir parler et qui vais devoir parler puisque Steven va nous expliquer le plan tout de suite après ce petit jingle. Alors Steven, Hercule contre Superman. Alors, Superman contre Hercule. Alors, si tu recules, plan, comment veux-tu? Non, c'est pas ça. Non, c'est si t'avances quand je recule. Comment veux-tu? Que je t'hercule. Exactement. Exactement. Et donc, comment on aborde ce sujet, ce versus des titans? Eh bah, ben, une fois n'est pas coutume, on va l'aborder en deux parties et non pas trois parties. Ouh, on dirait un plan de mois de dissertation. Parce que voilà. Parce que j'ai la flemme d'en faire trois. Alors pour être honnête, le plan, j'aurais du mal à le formuler comme ça, mais ça annonce des bonnes choses. Dans la première partie, on va s'intéresser à ce qui fait le côté héroïque d'Hercule et de Superman, tout en tentant une analyse comparée des deux figures. Il ne faut pas oublier que c'est un versus quand même. Merde. En regardant tout ce qui fait leur force, en exposant et en se questionnant sur leurs faits d'armes et sur leur nature, sur leur nature et leurs différentes aptitudes. Puis, dans un second temps, on considérera leur aspect vraiment mythique et pas seulement héroïque, en regardant comment on peut s'identifier à ces personnages et surtout quel type de symbole, il charrie. Ouais, alors bon, ok, il y aura des trucs à dire du coup. Il y aura des trucs à dire, bien sûr. Mettre mythique en chapeau dans la deuxième partie, déjà, ça me dérange. Oui, mais parce que t'as une définition du mythe qui est approximative. Alors. Oh, ça se clash. Avant ça, est-ce que je fais ma petite chronique ou pas, les gars? Ah, oh, j'avais oublié. Eh bah oui, je sais que t'avais oublié, c'est pour ça que je te le rappelle. Quel bâtard. Ok. Alors, en attendant, moi, quand même. Ça... Moi, ça me. J'étais pas du tout prêt, j'avais oublié, je pense que j'allais commencer à parler d'Hercule. Avec nous, là. T'es pas là, en tout cas. Il y a trop de choses qui se passent. Juste, je voudrais dire, on est en train de boire autour de la table, je sais pas qui boit ça, Charles. Et Clara aussi peut-être. Le Pélisol rosé qui est très très bon. Ah, mais moi je vais m'y mettre, mais je voulais commencer par le Jack. Et bien moi je bois du Jack, très bon cru, très bon millésime. Je pense que c'est ça être père. Et bah finissez votre Jack avant qu'il n'y ait plus de rosé, les gars. Être père, parce qu'il y a l'Obispo. Et donc c'est sur cette passion pour la musique que je révèle en vous en évoquant cette grande chanson française qu'on va pouvoir passer à un autre homme qui manie les mots aussi bien que Pascal Obispo, Steven, pour sa rubrique philosophique qu'il entame aujourd'hui avec nous. Quelle transition, putain. Qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement, hautement agréable, que l'enseignement est presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Un nouveau jingle, très beau. Ouais, il fait des jingles stylés pour lui, en fait. Et oui. Pour lui, bien sûr. Alors, mes chers amis, je m'en vais tenter de répondre à la question que tout le monde se pose ici. Nos deux héros, demi-homme, demi-alien-dieu et re-demi-homme derrière, sont-ils le surhomme nietzschéen? En effet, c'est une question élémentaire que tout le monde s'est posée une fois dans moi, sa vie. Moi, ça m'inquiétait qu'on n'aborde pas. Voilà. Donc Nietzsche, ce grand philosophe, nous encourage-t-il à prendre un abonnement à la salle de muscu pour pouvoir péter la gueule au titan ou à un homme chauve et riche? Eh bien, curieusement, non. Et il va falloir, dans une courte chronique pourtant passionnante, lever un certain nombre de contresens. Et c'est à toi, Vincent, toi qui étais gérant d'une boutique de Warhammer et qui m'avait confié, entre deux concerts de métal, vouloir poser au-dessus de ton lit un buste de Nietzsche, parce que la volonté de puissance, tu comprends, c'est grave classe. Désolé, mais Nietzsche ne nous encourageait pas, je crois, à peindre des figurines. C'est donc à toi que je parle, toi à qui j'avais dit que ce n'était peut-être pas exactement le message de Zarathustra et qui m'avait répondu que tu préférais Nietzsche. Alors je peux te le dire à présent, Zarathustra, c'est le titre d'un livre de Nietzsche dans lequel est exposée la doctrine du surhumain. Et je peux te le dire aussi, si on t'appelait Dieu il y a 8 ans maintenant, c'était par pure ironie, mais ça avait l'air de se faire plaisir. Le surhomme, contrairement au... Avec le séconde Steven ce soir. Ouais, c'est vrai un peu, ouais. Oui, c'est il a 4 pages là. Le surhomme, contrairement au Superman de Zack Snyder, ce n'est pas une nouvelle idole, ce n'est pas un nouveau Jésus. C'est en aucun cas un homme supérieur, ni Hercule, ni Superman. Le surhomme, ou plutôt le surhumain, c'est plutôt le dépassement vers un nouveau type de vie. Or, la performance n'est pas le dépassement, et ça va faire plaisir à Stavro qui, m'a-t-on confié, niveau performance, laisse à désirer. Alors oui, Nietzsche, c'est pas vraiment l'esprit Coubertin. Vu la gueule de ta mère. Tu m'as perturbé. Le surhumain n'est en aucun cas un homme invincible. Plus encore, pour se dépasser vers le surhumain, il faut connaître la souffrance, la douleur, et donc ne pas être invincible. Selon Nietzsche, dans Par-delà bien et mal, partie 3, paragraphe 62 pour les puristes, l'homme est l'animal dont le caractère n'est pas encore fixé. Il faut donc, par l'éducation, définir, vous faites des gestes très chelous, définir son type, ce vers quoi il faut tendre. Et ce vers quoi l'éducation des prêtres et toute morale occidentale fait tendre, c'est vers un homme bon, un homme juste et toutes ces conneries qu'on entend à tour de bras raccourcis dans les navets de Superman. Car Superman, lui, ne fait que reconduire une morale de faible. Il faut être bon avec les gens, défendre les opprimés, la populace, punir les méchants, être un gentil du côté du bien et contre le mal. Or, rien n'est plus étranger à Nietzsche. Il fait la généalogie du bien et du mal pour en montrer l'inanité. Il ne faut pas chercher à simplifier le monde, d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Et de ce côté-là, sans doute qu'Hercule s'en sort mieux que Superman. Il est peut-être plus le surhumain. Mais les productions contemporaines sur Hercule ruinent toute cette richesse. Dans le Hercule de Disney, le mal ne vient pas d'une déesse trompée, mais d'un dieu qui est le dieu des enfers et qui se... Comment dire, qui incarne le mal. Ouais, qui incarne le mal. Le seul dieu noir, d'ailleurs. C'est un peu le Satan. Alors que dans l'histoire originelle, Hercule sauve Hadès d'une mort. Donc, je disais, sans doute qu'Hercule s'en sort mieux, mais chez Disney, non, et dans le Hercule de The Rock, non plus. Puisque si c'est un mercenaire, il devient bon à la fin et sauve le peuple opprimé. Or, le surhomme n'est pas là pour sauver le peuple. Tous ces films relatent une morale bien pensante que le surhumain doit dépasser. La bien pensance ? Le vrai problème, c'est que les hommes ont du mépris pour la Terre. Or, Nietzsche réclame ce retour à la Terre, ah, mais pas, le seul, je crois. Pas dans le sens de Pétain. De même que le surhumain n'est pas un arien. Ce n'est pas l'homme supérieur de la race supérieure. Désolé Alexis si tu les écoutes. Les hommes méprisent la vie terrestre parce qu'ils adorent un être et des valeurs transcendantes. Ils tentent de réformer le monde vers un idéal mou de bonté et de justice. Le dépassement de soi implique de faire l'épreuve de la souffrance et de la douleur et non de la supprimer. Sodomie. Il faut aimer le monde tel qu'il est. C'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati, donc l'amour du destin, l'amour de son, de l'amour fati. L'amour, c'est pas l'amour des gros. Non, c'est pas l'amour des gros. Nos valeurs donc ne doivent pas reposer sur la foi. Il faut revaloriser la vie telle qu'elle est. Pour cela, on se repose sur la volonté de puissance, et tu la sens, ma grosse puissance, et on se dépasse, on augmente sa grosse puissance. Le surhomme est celui qui arrive à la limite la plus haute de ce dépassement. L'homme veut son monde. Ma Superman, bite. Au contraire, est la figure du pouvoir. Il a des pouvoirs et ça lui donne le pouvoir qui n'est qu'un pouvoir de reconduire les le valeurs pouvoir. Binaires et simplificatrices des curés. Il est maître de l'univers, mais il n'est pas maître de lui-même. Alors lisez Nietzsche, bande d'enfoirés, et arrêtez de regarder les mêmes films pourraves à base de gros muscles et de kryptonite. Lisez Nietzsche et sentez notre grosse puissance. Je pourrais continuer sur l'éternel retour et le concept de généalogie, mais je vois que Zaza s'arme déjà d'un couteau. Alors la suite de cette chronique sera sans doute disponible en VLC payant, et je sens que ça va marcher. Mais c'est raciste. En DLC, merci, par contre, pas bien. VLC. J'ai dit en DLC. Ah. Merci Steven pour ce petit, cette petite première. Dites-nous si ça vous a plu. Hein, j'ai presque tout compris. Eh ben, parce que Steven explique bien. Et oui. C'était bien. Par contre, la généalogie, je t'emmerde. Hein. Mais t'auras... Ah oui, d'accord. Ah non, c'était pas du tout raciste. Non, c'est vraiment un concept Nietzsche. Ah, parce que moi, j'allais te déballer ma généalogie, elle est très bien. C'était pas du tout raciste. C'est un vrai concept Nietzsche, en fait. Non, mais t'avais déjà prévu dans ton papier que Zaza allait se faire chier. Oui, ça, c'était c'est... prévu dès le début. Ah oui, bah moi, je suis un homme simple. Hein. Dès que je lui ai annoncé la chronique, il a dit, bon, ça va être chiant. Du coup, Superman est un super faible, en fait. Exactement. Ah, mais on va voir en quoi il est super faible. Enfin, on va voir... Non. On va pas voir ça, mais... Non, voilà. C'est pas grave, on va quand même voir Superman et ça nous fait bien plaisir parce que c'est un bon pote à nous. Donc on va tout de suite s'intéresser à Superman et à son copain Hercule. Oui. Et bien voilà, merci à Steven pour son artisanat numérique. Gros boulot, il s'est chauffé. Ouais, c'est beau. Du coup, Superman et Hercule, on va du coup analyser dans la première partie, comme je disais, je vais lire mes notes. Le côté héroïque des deux. Qu'est-ce qui fait d'eux des. Non, c'est pas ça, si. Qu'est-ce qui fait d'eux des héros ? Qu'est-ce qui fait d'eux des héros ? Pourquoi sont-ils des figures héroïques de la pop culture ? Ou du mythe en général, bien sûr. On commence par qui ? Superman, Hercule ? Hercule, Superman ? On peut commencer par les points communs entre Hercule et Superman qui font qu'ils sont des héros, on n'est pas obligé de séparer. Oui, mais il faut bien, tu vois, on va pas parler genre un de Superman et l'autre de Hercule par-dessus parce que ça va être cacophonique, comme on dit dans le milieu. C'était pas du tout ça que je voulais dire. Vas-y, dis ce que tu voulais dire, Zaza. Bah, par exemple, au niveau des aptitudes, ils ont des aptitudes qui dépassent celles de l'être humain. Comme quoi, la super force. La super force. Voilà. La super force. Ils sont tous les deux super forts. L'un parce qu'il est kryptonien et du coup le soleil de la Terre fait qu'il est plus fort que nous. Le soleil jaune. C'est vrai, c'est le soleil jaune, c'est ça. Et l'autre, parce que c'est un demi. Il est né de Zeus a mis sa bite dans sa mère. Exactement. Ou selon les versions du mythe, parce que Hera l'a allaité un peu, mais pas assez. C'est ça. Voilà, donc. Ouais, mais dans tous les cas, il a mis sa bite dans sa mère. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Le papa de Superman aussi, elle a rendu à ce moment-là. Oui, c'est vrai, mais tout le monde ici autour de la table. Oh, mais mais bah, ça ne fait pas de nous des demi-dieux. Lui, c'est Zeus. Oui, ouais, voilà. Moi, c'est Gérard, je ne suis pas un demi-dieu. Un demi-vieux à la limite. Ils sont tous les deux super forts et limite invincibles. Et du coup, t'as commencé à parler de leur papa et de leur maman. Et on peut faire un rapide. Généalogie. Ouais, généalogie, exactement. Alors, donc tu disais, Zeus a mis son sexe. Il a mis son sexe dans la chatte de sa mère. D'Alcmède. D'Alcmène, exactement, qui était la femme d'Amphitryon. On dirait un truc de sécu gratuit, l'Alcmède. On dirait un médicament. Alcmède. Et donc, il s'est fait. Zeus a la capacité de se changer Alcmède, en à peu près ce qu'il veut. Et donc, il s'est changé en Amphitryon pour pouvoir niquer la. Alceste. Il a pris l'apparence du mari d'Alcmède pour pouvoir lui faire Alcmène. Alcmène. Oui. Ah, Alcmène. Voilà. Alcmène. Et du coup, en gros, Hera, qui est la femme de Zeus, va être un peu vénère. Elle est cocu. Ouais. Elle est un peu cocu et du coup, ça l'énerve et c'est pour ça que. Le plus cocu, c'est quand même l'autre. Parce que le mari de Alcmène, il arrive et il lui fait un frère quand même. Mm. Il passe derrière Zeus, il récupère les restes. Et il baise Alcmène. Ok, et donc du coup, c'est pour ça que Hera va en vouloir à Hercule, parce que c'est le fils de son... C'est son bâtard, quoi. Un ouais. peu comme Jon Snow dans Game of Thrones. Quoi. Exactement. Mais elle va l'allaiter quand même. Et ce qui est marrant, c'est que dans le Hercule de Disney, c'est pas du tout ça l'histoire. Ouais, ils ont tout changé, ils c'est vrai. Ils se sont dit, ouais, les histoires de tromperie, tout ça, peut-être c'est moyen. Mais Hercule, c'est un film de Superman. Il n'y a pas de moment où le papa d'Hercule baise la maman d'Hercule. Non, dans Disney, c'est le fils légitime de Zeus et Hera qui est volé par Hadès et ramené sur Terre. Okay. Voilà. Mais non, c'est pas. Du coup, c'est un demi-dieu à cause d'une malversation d'Hadès, mais. Il y a quand même une thématique commune. Thématique commune, c'est qu'il tète le biberon et qu'il boit pas jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'il est pas complètement humain. C'est inversé en fait. Oui, dans Disney, c'est un truc qui lui enlève sa force. Qui lui rend humain, alors que Hera. Et d'ailleurs, apparemment, dans la mythologie, quand Hera se rend compte, elle le repousse violemment, et le lait qui sort de son sein, c'est censé être la Voie lactée. Oui, exactement. Ça, c'est plutôt stylé. C'est vrai, c'est beau. Je pense que l'astronomie a fait des progrès depuis ça, mais c'était déjà une belle tentative. Oui, bah c'est ce qui est écrit sur Wikipédia, donc voilà. Une belle interprétation. Mais ce qui est intéressant, rien qu'avec les figures paternelles, c'est que Hercule, il naît dans le seum un peu, genre c'est un bâtard. Alors que Superman, différence, lui, il est choisi pour être le seul kryptonien qui reste, quoi. Genre Jor-El dit ok, ça va péter, j'envoie mon fils ailleurs. Il est pas choisi, c'est son père qui décide. Ouais. Bah oui, mais du coup, il s'en va. C'est un fils de politicien. En fait, c'est un putain de nanti, ça on peut le dire. Non, c'est un fils de scientifique. Et surtout, c'est un fils que genre. Il est au conseil, le mec aussi. Ouais, mais c'est parce que les kryptoniens, c'est une race de scientifiques, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, mais du coup, socialement, c'est un fils de politicien. Oui. Mais du coup, Jor-El, qui a le seul moyen de. Personne ne veut le croire, le seul moyen. Il sauve donc son fils, en fait. Tout simplement. Oui. Et c'est le seul qui peut sauver, et donc il décide c'est de l'élu, et pas le rejeté, pour son fils. Dire ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que Hercule, c'est le rejeté, quoi, de base. Oui. Parce que sa mère, quand même, dans la légende, elle envoie deux serpents dans son berceau, quoi. Elle est pas contente, quoi. Ah, c'est cool. Non, c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère. Sa belle-mère. Oui. Sa belle-mère. C'est pas cool. Et d'ailleurs, Héraclès, donc c'est la gloire d'Héra en grec. C'est vraiment le prénom. En fait, il a deux prénoms, en fait, Hercule. On va pas rentrer ça là-dedans, peut-être là-dedans tout de suite, parce que c'est un peu compliqué. Mais non, à la base, Héraclès, c'est la gloire d'Héra. Oui, ça veut dire ça, mais c'est pas le prénom qu'il a à la base, Hercule. Oui, bah ça, c'est très bien. on en parlera plus tard quand on va dire. Oui, parce que Héraclès et Hercule, c'est la même personne, faut quand même le rappeler. Oui, Héraclès, c'est le nom grec, Hercule, c'est le nom romain. Exactement. En latin, parce qu'il a été récupéré. Bah, toute la mythologie grecque en fait a été récupérée par les latins et ils ont tout changé. Mmh. Enfin les noms. Du coup on a trouvé du coup une coïncidence, non, une un truc qui est comme les ensemble. Un point commun. Okay. Ça va être très compliqué. Un point commun, donc leur super force, le fait qu'ils aient deux pères, non, c'est une différence. Donc, voilà. Oh là là. Ah mais aidez-moi, si je suis tout seul, essayez de faire le point. Merde. Bah, le point, ouais, c'est assez drôle. C'est vrai. Du coup, et leur différence, c'est le père, d'un côté, on envoie le fils pour le sauver, de l'autre, on le fait dans le dos de sa femme, du coup, ils naissent dans des ambiances un peu différentes. Quoi d'autre ils ont comme différence ou comme point commun, mes amis ? Hercule et Superman. Qu'est-ce qui fait d'eux des héros ? Des héros, c'est qu'ils se battent pour d'autres personnes, pour des causes, à plus ou moins grande échelle, et qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt propre, même si avec Hercule, ça peut se discuter Alors, un petit peu. Alors, avec Hercule, ça se discute un peu, ouais. Ouais, parce qu'il a eu une petite phase mercenaire. Mais il y a eu beaucoup de ces travaux qu'il a fait au début qui étaient pour rattraper le coup avec Hera. Ouais, il est un peu envoyé en fait par les dieux et il y a un peu un truc de genre si je me rachète, Hera va me foutre la paix et ce sera bien. Donc il y a une cause plus ou moins noble derrière l'action des héros. Et surtout, je pense que sur ce point-là, Superman est carrément du côté. Lui, il a aucune. Superman, il a été élevé par une famille humaine quand il est tombé sur Terre par les Kent et ils lui ont vraiment appris la bonne morale fermière du bon gars du Texas, quoi. Dans Superman de 78. C'est un bosseron, quoi, Superman, on peut le dire. C'est un bosseron, ouais, carrément. Tout son surnom de Boy Scout, tu vois. Il est souvent. Ouais. si on met comme ça, parce qu'il a vraiment une morale de boy scout. Mais on en parlera de ça. Mais ouais, je voulais dire juste dans le Superman de Donner en 78, son père lui disait faut que tu sois un catalyseur, que t'interviennes pas dans la politique, mais qu'en gros tu animes le changement vers le positif. Quoi. Que tu donc, sois un modèle. Son père s'appelait Donner. Le mec s'appelle Donner, le mec qui a fait le film. Oui, c'est marrant. Oui, comme un kebab. Exactement. C'est rigolo. Oui, l'idée c'est que Superman va se présenter en tant qu'icône, en tant que personne qui va amener les gens vers un objectif, tu sais, qui est de se dépasser eux-mêmes, tout simplement. Ouais. Bah, c'est l'égérie. Hercule aussi, dans ceci dit. Parce que dans la Grèce, tous ces faits sont relatés. Il y a des bardes qui chantent les exploits d'Hercule. Même de son vivant, il est connu. Il y a des cultes d'Hercule. Donc, mais il fait pas ça pour ça. C'est ça la différence. Superman, il est investi d'une mission par son père de faire le bien, de susciter le bien. Hercule, il le fait. Hercule, c'est un peu des challenges en fait. Ouais. Tu vois, il va faire ses travaux pour montrer qu'il a une grosse bite. Pour ouais, éventuellement. Aéra. Et justement pour se racheter devant Hera. Et vu sur Pornhub. Et voilà, et ça lui permettra d'accéder au statut de dieu, donc et non plus seulement de demi-dieu. Donc il a quand même, en fait la structure de la biographie d'Hercule, ça peut faire un bon scénario de jeu vidéo, parce que il a des boss à tuer ou à capturer. Et à chaque fois, en plus, il va récupérer des trucs sur les différents boss. Par exemple, pour l'hydre, il va récupérer le poison de l'hydre pour les mettre sur ses flèches. Donc, et tout ça vers une quête finale qui est en gros selon les versions du mythe, soit devenir un dieu, soit que Hera lui foute la paix, quoi. Donc voilà, je pense que là, pour le coup, on a encore une différence. Le vrai point commun, c'est leur force et leur statut de quasi surhomme. Même si du coup t'aimes pas utiliser le terme, mais surhomme au sens non philosophique. Voilà, de surhomme au sens ordinaire. Mm-hmm. Mais après, dans la manière dont il. Ubermensch, on peut dire, moi j'aime bien. Ubermensch, ouais, mais ça c'est vraiment le surhomme nietzschéen. Ah merde. Donc de superhomme. dans leur statut de superhomme, ils ont quand même des différences qui les constituent, et ils font pas la même chose, quoi. On peut se dire que Superman, il a des yeux laser, hein, quand même, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on peut le dire. Est-ce que n'a pas Hercule. Bah, on a dit, est-ce que leur force fait 2D héros? On a dit, ils ont une super force, est-ce que ça fait 2D héros? Hein? On n'a pas non, pas ça forcément. Fait 2D surhommes, des superhommes. Ok, bah les yeux laser aussi alors. Okay. Oui, aussi, ouais. Et la super Wii, et le rayon X, et il vole, et il va vite, il souffle froid, il peut aller dans le temps, enfin, il a plein de trucs, quoi. Mais c'est vrai que Superman est ultra cheaté, plus qu'Hercule. Il est un peu tout équipé, quoi. Clairement. Hercule, à part sa super force, voilà, quoi. Parce que Hercule, dans les mythes, il est souvent dit qu'il est con. Il a quand même tué son prof de musique à coup de tabouret. C'est vrai qu'Hercule a. C'est quoi ça? Rappelons-le. Il n'a pas rêvé de le faire, franchement. En gros, il avait un frère jumeau, du coup, Hercule, qui est le frère, enfin. Un demi-frère jumeau. Je l'ai déjà dit. Oui, et du coup, on leur apprenait la musique tous les deux. Mm-hmm. Le jumeau, je sais plus comment il s'appelle, il était grave fort. Et Hercule, il comprenait pas, du coup, ça l'a vénère. Parce que le prof se moquait de lui, il l'a tabassé à coups de tabouret. C'est pas ça qui fait de des héros. Il faut qu'on. Oui, c'est pas tuer des gens à coups de tabouret. Je voulais juste rappeler que Hercule était très con. On pourra le dire après. Mais on pourra le dire après, ça. Bon, d'accord. Donc Hercule est très con, mais on le dira plus tard. Voilà. Ah, voilà. Donc, vous avez ça, t'as quelque chose de mieux à proposer? Est-ce que j'ai quelque chose de mieux à proposer? On peut parler des faits d'armes. On peut parler des faits d'armes, exactement. C'est ça qui fait qu'ils sont héroïques, c'est qu'ils font. Non seulement ils ont les capacités de faire les choses, mais ils font les choses. C'est génial. Parce qu'ils pourraient avoir une super force et s'utiliser pour se branler très très vite. Et non, ils font des trucs beaucoup plus intéressants. L'histoire ne dit pas s'ils le font pas par ailleurs. Ça serait une belle amphore, tu vois, une belle image de Superman et Hercule qui. Bref. du coup, oui, des faits d'armes. Donc avec Hercule, c'est tout trouvé, puisque le truc le plus connu, c'est les 12 travaux d'Hercule. Voilà. Auquel se greffent multiples travaux, mais il y a quand même les 12 travaux, dont, à mon avis, le plus connu, c'est l'hydre. Attends, Charles, donne-moi 3 travaux d'Hercule. Alors, les écuries d'Augias, okay. L'hydre... L'hydre de quoi? Oh, je sais plus. De l'herne. De l'herne. Ok, et attends, je cherche un troisième, je l'ai pas en tête, là. Oh. Voilà, moi, j'ai pas préparé la partie. Vincent de l'herne. Okay. Super, merci. Ouais. Et du coup, bah, troisième. C'est décevant. Le lion, par exemple. Le lion de Némée. Ainsi que les écuries d'Augias, est-ce que c'est un fait d'armes? Parce que c'est quand même fou, quoi. Le mec a nettoyé. Il a récuré du crottin, mon gars. Et toi, t'arrives même pas à nettoyer ton appart. Si tu le nettoyais, ça serait un fait d'armes. Calme-toi. Les écuries d'Augias, elles étaient censées être gigantesques. Et pas nettoyées depuis 30 ans. Et du coup, il a fait en un jour. Et il l'a fait en détournant l'eau des fleuves. Mmh. Eh. Mais il y en a plein des trucs, il y en a plein. Il y a le facochère de je sais pas quoi là. Le sanglier de quelque chose, mais il l'a capturé, ça il l'a pas tué. Non, d'hérite. Bon, ça on s'en fout. Mais ouais, il a fait tous ses travaux pour se racheter auprès d'Hera comme on l'a dit. Donc est-ce que c'est vraiment, moi c'est ça la question, c'est il l'a fait pour un but, tu vois. Oh, certes, ça fait de lui une icône et tout, quelqu'un à qui on peut se référer, mais il l'a fait dans un but précis pour sa gueule. Alors, je pense que ce qui fait un héros, c'est pas forcément ce qu'il fait intrinsèquement, mais c'est la façon dont il est perçu aussi. Et les actes héroïques d'Hercule, qui suscitent quand même derrière des cultes dans la Grèce antique avec des gens qui vénèrent Hercule, en font quand même une sorte de modèle, une sorte d'icône, et qui lui donne, à mon avis, son statut héroïque. Même s'il faisait ça pour sa gueule. Bah oui, pour moi, c'est vraiment ce que les gens en font, tu vois. Genre, c'est... À un moment, François Hollande a été le héros de la France, tu vois. Les 12 travaux de François. Mais c'est le chômage. Stéphane, tu en penses quoi, toi ? Je pense que c'est bien. Ah, t'écoutais rien du tout en fait. Non, j'écoutais pas, j'étais parti me resservir en pinard. Ah bah du coup, moi ouais, je veux bien. Tu veux me rincer mon verre s'il te plaît, parce qu'on fait ça bien. Je demandais si le fait c'est qu'il fasse les travaux pour se racheter auprès des rats, ça faisait de lui un héros, parce qu'il faisait ça pour sa gueule. Alexandre me disait que oui, puisque tant qu'il était perçu comme un héros, ça allait. Bah c'est surtout que ce qui fait le héros, c'est pas forcément la bonté et compagnie. Et d'autre part, Hercule est quand même perçu comme un mec bon et comme un mec très serviable. Il est quand même, c'est quand même un héros de ce point de vue-là où. Parce qu'il a aidé des gouvernements. Ouais, c'est quand même un mec. C'est quand même un mec qui aide, même si ses travaux ils sont peut-être dirigés vers un but, ça reste un mec qui aide. Mec, il nettoie du caca quand même pour le monde. Quoi. C'est vrai. Ouais, mais ses travaux, c'est des épreuves qu'on lui a ordonné de faire parce qu'il a tué sa femme. Et c'est de l'expiation. Alors, ouais, bah là, par contre, du coup, il faut que tu racontes. En gros, Hercule, bah, Hera l'aimait pas, donc elle l'a rendu fou et il a tué sa femme et ses enfants. Donc il a tué Mégara. Mégara qu'on voit dans le Disney, et curieusement dans le Disney, il ne tue pas Mégara, qui n'est pas un très gros rat. Mais elle meurt. Mais très gros meurt. Rat, putain. La blague, j'avais même pas entendu. Ouais. On aurait pu s'appeler quoi. C'est vrai. Il est très très bon ce rosé. Il est très bon. Il est vraiment quand goûté. On va arrêter la pub, hein, ça suffit. Les 12 travaux, c'est pour se racheter. Donc c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que c'est vraiment un truc héroïque, tu vois? Alexandre me disait que oui, mais. Mais moi, héros, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est son but qui fait le héros, ou voilà, on sait pas. C'est la question. C'est toute la question. C'est la question. Mais je te dis, par ailleurs, il passe pour un mec qui est très serviable. Je sais pas. Même si c'est un gros bourrin, il passe pour un mec sympa. Si je te fais un parallèle, genre, imaginons un dictateur, enfin un mec qui renverse un dictateur africain. Et qui arrive au pouvoir et qui les libère du joug du mec. Du joug. Mais après. C'est le mec qui dit joug. Et on danse la joug. Joug comme le joujou. du joug. Et du coup, lui, il arrive. Moralement, de l'extérieur, il est répréhensible, mais il est quand même le héros du peuple. Ça, tu peux bah, pas non, nier. Tu ouais, vois. Ça, c'est une logique utilitariste, mais bon, on va pas rentrer dans le débat relou. Mais bah, du coup, toi, voilà. c'est cette logique utilitariste que j'applique. Le mec, il arrive, il va quand même débarrasser le sanglier qui terrorise la ville, même si le motif ultérieur est. Bah, peut-être qu'un héros devrait être pur et faire ça pour le bien. Mais parce voilà. Que toi, t'es qu'ancien, mon petit bonhomme. Bah, non, tu mais. Parce que seule l'intention compte. Non mais ça c'est un débat chiant. Mais oui, bah on oui, pourrait se poser la question. Mais c'est toi qui pose le débat. On pourrait se poser la question. Si vous êtes trop simple. Mais on va pas le faire. Exactement. Vous êtes trop simple. Bref, ensuite. Alors fait et l'effet d'arme de Superman. Superman. Alors, c'est plus compliqué parce que Superman, tu vois, il y a plusieurs versions en fait. Ah ouais. C'est que le personnage a été réécrit plusieurs fois, donc il y a beaucoup de trucs. Donc il y a deux échelles en fait. Il y a une échelle plus terrestre où le mec il va. C'est vrai. Empêcher des trains de dérailler, sauver des avions, aller chercher des chats dans les arbres. Oui, je l'ai vu dans des films, c'est de la merde. Ce genre de truc. Et après. L'échelle cosmique, c'est l'échelle cosmique, voilà, où il va plus aller buter de l'alien un peu sale qui vient défoncer la gueule de tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même. Au-delà des différents axes, est-ce qu'il n'y a pas des régularités quand même? Des faits d'armes qui sont quand même continuellement attachés à Superman? Le fait qu'il soit mort et qu'il ne soit pas mort, en fait, tu vois, qu'il est ressuscité. Ah bah tiens. La mort de Superman qui est une histoire de merde, hein, on va pas se le cacher, mais qui est devenue assez tu peux raconter ça vite assez fait emblématique du personnage. C'est en gros c'est comment il s'appelle ce gros monstre qui a été dans Doomsday voilà qui est une créature extraterrestre qui vient pour buter Superman qui est dans Batman versus Superman. Et en fait donc tout le monde enterre Superman, c'est à peu près la fin de Batman versus Superman en oui. fait et l'enterre bien nul. Et en fait donc là à ce moment-là il y a je crois 12 mois de publication où en fait des successeurs viennent et pour reprendre la place de Superman qui a abandonné. Et au bout de 12 mois on se rend compte qu'il n'était pas mort, mais en fait qu'il avait son rythme cardiaque ralenti et qu'il était en mode en fait pour se reconstruire quoi. Et il revient avec comme la longue, c'est dégueulasse. Est-ce que ça c'est vraiment un fait d'arme? Genre le mec il est pas mort? Non. Parce que là alors il défend Metropolis régulièrement l'analyse contre les envahisseurs, ça c'est un fait d'arme. Il a battu Brainiac, Lex Luthor, il a des ennemis qu'il a battu plusieurs fois. Ouais, c'est ça, il a des ennemis qui sont quand même récurrents. Ouais. Est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus? Bah, Darkseid, je sais pas qui c'est moi. Darkseid, bah, c'est un alien qui veut. Darkseid, c'est un new god. Enfin, c'est un dieu. Voilà, c'est un dieu. Ah, ouais. C'est une espèce de mythologie un peu créée de toutes pièces pour l'univers d'ici, où il y a les new gods, les néo-dieux en français, et les. Et je sais pas comment on appelle ça, les méchants d'Apocalypse, tu vois, qui sont menés par Darkseid. Donc les new gods, c'est le Allfather qui les mène, et Apocalypse, c'est. Ok. Allfather, ça me dit rien. Mais... Ouais, et il y a toutes les histoires un peu, ouais. Un peu de. Ouais, ouais, ok, ouais. Allez, ferme ta gueule. Il y a toutes les histoires mythologiques classiques, tu sais, à base d'échanges, de fils et tout ça. En fait, tu retrouves un peu tous ces codes-là, ouais. Mais dans un côté très SF, en fait. D'accord. Et donc ça, il a mis la mise. Brainiac, c'est qui? C'est un extraterrestre intelligent, c'est ça? Voilà, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui a, selon les versions, détruit Krypton ou pas. Tu ça me rappelle quelque chose chez Marvel. Ultron, non? Oui, il ressemble vachement à... Pour moi, c'est vraiment l'équivalent d'Ultron, hein. Pas pour moi, mais bon. Même physiquement, il ressemble vachement. J'ai vu Batman, Superman, Apocalypse. Mm-hmm. L'animé de 2010, c'est carrément le même mec. Et il y a Lex Luthor, enfin. Un génie du mal, le milliardaire, qui est chauve. Mm. Ouais, ouais, ça, je pense. Enfin, génial, ça dépend des versions, du coup. C'est la grosse régularité de Superman, quand même. C'est ce que tout le monde connaît. Son arc ennemi, c'est plus Lex Luthor, ouais, que les autres. Ouais. Même si je pense que beaucoup de gens ont vu quasiment que Smallville pour Superman. Ou Lois et Clark. Tu pars grave loin. Ou Lois et Clark. À mon avis, il y a plus de gens qui ont vu Man of Steel que Smallville. Ah, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Bah, Man of Steel, à un moment, ça a fait un buzz de ouf. Ouais. Bon, bref. Bon, ouais, hein, voilà. En tout cas, moi, je connais Daniel Steele, elle écrit des romans. Lex Luthor, il est intéressant parce que justement, c'est pas une sorte de demi-dieu ou un truc comme ça, quoi. C'est un humain. C'est un mec. C'est un humain qui veut prouver que, en fait, Superman est mauvais pour l'humanité, simplement. Qui pas, enfin, dans les bonnes versions de Lex Luthor, parce que dans des versions, il veut juste lui péter la gueule parce qu'il l'énerve, parce qu'il est trop fort, tu vois. Mais dans des bonnes histoires, genre Luthor, il veut juste prouver que Superman est une icône toxique en fait pour l'humanité. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dans Injustice, il est agent pour Batman à un moment. Parce qu'il retrouve justement cette même idée que dans Batman versus Superman que Superman ne devrait pas exister pour l'humanité, quoi. Et donc est-ce qu'on a vraiment fait nexté à chaque fois que je parle, c'est fatigant. C'est vrai. Parce que j'aime pas ça moi les comics, c'est trop compliqué. Non mais Injustice quoi. Voilà. Quoi. Oh, on en parlera bien sûr plus tard. Qu'est-ce qui fait du coup que ce sont des héros dans ce qu'on dit là? Bah dans leur ils ont des ennemis. Ils ont des ennemis et des faits d'armes. Ils ont des ennemis qui sont... Ils ont un mythe simplement, je pense. C'est ça en fait qu'on dit. Ils ont des étapes. Que Superman, c'est un mythe. Ah là, faudrait rentrer ça, dans c'est le... plus la partie 2 où oui, c'est on s'intéresse à aux questions du mythe. Mais en tout cas, ce qui fait eux des héros du point de vue de leurs ennemis, c'est qu'ils débarrassent l'humanité de gens qui les terrorisent ou qui les menacent. Que ce soit l'hydre de Lerne, que ce soit Lex Luthor ou je sais pas qui. Qui les menace mais qui ne menace pas que. Et c'est là qu'on retrouve le caractère héroïque. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il menace l'humanité. Ah oui, d'accord. Ou en tout cas un village. Voilà. L'humanité à échelle réduite. Le régionalisme. Alors, là, c'est un région du talent. Hein. Mais c'est un avis personnel. Mais dans le cas de Superman, pour moi, ce qui en fait un héros, c'est que malgré le fait qu'il soit surpuissant et tout ça, tu vois, si c'était juste un être surpuissant qui tabasse des mecs, ça en ferait pas un héros. Il peut le faire facilement. Tu vois, ouais. Mais ce qu'il ne déroge jamais à ses principes quand il. À base d'héros, enfin, dans les versions comics en tout cas, tu sais, c'est un personnage qui met la vie au-dessus de tout et qui va essayer toujours de protéger la vie, pas ouais. Tuer et tout ça, et qui va toujours jamais chercher la solution de facilité malgré ses pouvoirs, malgré qu'il pourrait le faire en deux secondes, claquer la nuque de n'importe qui, tu vois. Je fais allusion à rien, et oui. Et voilà, et il ne le fait pas, simplement. Et donc il va toujours chercher à. Bon, je tourne un peu en rond, mais il va toujours chercher la solution qui lui paraît bonne à lui. En fait, ah ouais. Bah, il impose sa morale aux gens. Quoi. Ouais, mais intrinsèquement, la morale du personnage. Fait la même chose. Non, intrinsèquement, peut-être. La morale du personnage, c'est la morale chrétienne quand même. Oui, sur Superman, c'est carrément la morale chrétienne. Ouais, donc voilà, donc c'est un peu notre morale, c'est pas sa morale. Oui, non, mais c'est la morale chrétienne. Tu t'inclus dans la morale chrétienne. Non, mais non, mais je veux dire, c'est celle qui a le plus façonné nos valeurs occidentales. C'est ça, il a un peu martel en tête ce soir. Ah lol. Non mais c'est vrai que du coup il est continuellement en train de défendre la justice en gros. Mmh. La justice est le bon côté quoi. Phrase que j'avais enfin en gros j'avais une phrase que j'avais notée dans le truc de 78. Alors vas-y on meuble. Je crois que je l'avais. Allez. Je l'ai plus. Et voilà. Et voilà, c'était, super. Climax. Allez mais bonne en gros, note. Ouais, c'est je défends la justice, la droiture et the American way, tu vois. Ah, the American way. C'était ça qu'il disait dans le truc, il y avait trois trucs. Et donc, dont The American Way. Donc, non, mais c'est clairement un héros qui est censé incarner après les... Enfin, je sais pas si c'est le moment pour le dire, mais qui représente l'Amérique, en fait. Bah, c'est ça aussi qu'on peut dire, c'est que, comme Hercule, on a dit c'est un héros, mais c'est un héros en Grèce et en Thrace, parce que il a sauvé des rois, il a aidé des royaumes, il en a défait pour en refaire des mieux, etc. Superman est aussi un héros américain avant tout, qui a été créé en 38 pendant, enfin, un peu avant la guerre, mais pendant la dépression, donc pour remonter un peu le moral des gens, et ensuite pendant l'effort de guerre pour dire, oh, l'Amérique c'est super. Et du coup, les deux sont des héros déjà aussi au sein d'une communauté vachement ciblée. Ouais, mais ce qu'on retrouve autant pour les Grecs que pour les Américains, c'est que pour eux, ce que toi t'appelles leur nation ou leur région, bah, c'est un peu l'intégralité du monde, quoi. Pour les Grecs, il n'y avait pas grand chose d'autre que les Grecs. Pour les Américains aussi. Hein. Pour les Américains, il n'y a pas grand chose d'autre que les Américains. Ils sauvent toujours les. Pour eux, ils contrôlent le monde. Donc, ça. Et ils sauvent toujours l'humanité depuis Métropolis. Donc, ils sauvent l'humanité. Mais c'est pareil pour Hercule, du coup. Et pour Hercule, c'est pareil. Pour les Grecs. Mais celui qui perce en Grèce fera de la Grèce en Perse, on peut le dire. Oh, c'est dans le Hercule de Dwayne Johnson. Non, c'est dans le Hercule de Disney. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, c'est Philoctète. Oui. D'accord, ah, c'est bien de retrouver les citations pourries et pas les autres. Ça fait plaisir. Elle est très bien, cette citation. Donc on disait que c'était des mondes qui n'avaient pas conscience qu'il y avait un truc autour, donc qui représentaient les valeurs de la totalité du monde. Pour eux, c'est la totalité du monde, et c'est construit comme ça. Même si pour les scénaristes, je sais pas si pour les scénaristes de Superman, l'Amérique est l'intégralité du monde, mais c'est comme ça que c'est présenté, quoi. Ça change un peu. Il y a des histoires avec des Superman chinois, justement, tu vois, qui. Bah, Superman Superman chinois. Superman Redson, la capsule, elle s'écrase en URSS, voilà. Et ça change totalement. Et du coup, il gagne la guerre froide parce que Superman est devenu. C'est vrai. Mmh. Batman a une chapka dans cette BD. Et quoi? Batman a une chapka dans cette BD, c'est vrai? Ouais. Oui. C'est génial. Batman a une chapka. Je l'ai pas lu, donc. Des anecdotes croustillantes. Toujours là, je suis toujours au top pour ça. Mais du coup, ce que je voulais dire pour Superman, c'est qu'il est un héros aussi parce que, même, enfin, genre, un héros, même dans le vrai monde, pas hors fiction, parce qu'il est arrivé au moment propice, quoi. La dépression, la guerre, tout ça, c'est une figure héroïque, en tout cas, je pense qu'à un, enfin, on va arriver dans le mythe, on arrivera plus tard, blablabla. Mais quand même, je pense que, juste, sans parler, même hors diégèse, ça, il y a un petit côté héroïque pour Superman, grâce au contexte dans lequel il est né, je pense. Ouais, mais en même temps, au contraire, c'est pas plutôt, il a été créé à cause de ce contexte-là, plutôt qu'il arrive au bon moment. Lui, il parlait du point de vue de l'œuvre, et toi, tu parles du point de vue du créateur à l'extérieur. Ok, je dis de la merde. Mais tu vois que le mythe de Superman continue à exister. Et aujourd'hui, on n'est plus trop dans ce truc de la guerre froide, ou de la guerre pas froide d'ailleurs, mais c'est ce qu'on disait en regardant Batman contre Superman, c'est que tout l'aspect 11 septembre est très présent. Ah oui. Même dans Man of Steel, il y a quand même un aspect 11 septembre qui est ultra présent. Et donc, du coup, c'est pas seulement le héros de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. En même temps, tu peux vraiment analyser la moitié du cinéma depuis 2001 comme découlant du 11 septembre. Oui, mais tu vois, s'il était, s'il était intrinsèquement et que et que le héros de la Seconde Guerre mondiale, il aurait disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, c'est vrai. Il n'a pas disparu. Il continue. D'accord. Parce qu'il y a eu la guerre froide. C'est un personnage qui s'est toujours renouvelé. Enfin, de toute façon, les auteurs, ils ont toujours de nouvelles idées. Ça, on en parlera après, je pense, dans la seconde partie pour la construction du mythe. Ah ouais, pas mal. Tout ça. Donc, arrêtez d'en parler maintenant. Voilà, merci. Teasing permanent. On a parlé un petit peu du rôle dans la société, en le sens où, est-ce qu'il défend la société ou pas. Mais il y a aussi la question de ce rôle en fonction de la quête d'identité, notamment chez Superman. Chez Superman, il y a cette quête, et défendre l'humanité, c'est accomplir un peu sa mission. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, ne parlez pas tous en même temps. Le truc de Superman, c'est quoi? Il cherche un rôle dans la société, mais on peut s'interroger sur pourquoi il est un héros, je pense, parce qu'il reste un peu en dehors de la société, même en la sauvant. Parce qu'on pourrait se dire, assez connement, en lisant les comics, pourquoi Superman, ça lui prendrait 2 secondes de renverser un dictateur et de mettre un autre truc à la place. Mais il règle toujours des problèmes, genre mais c'est l'eau. Pas son rôle, Il est pas investi politiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ouais, il gère toujours le travail des humains à sa place. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Et c'est là qu'on retrouve la métaphore divine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas directement dans les affaires des hommes, qui leur donne juste une poussée, quoi, par des capacités qui les dépassent et qui. En gros, il les empêche de mourir, quoi. Juste ça, mais il les aide pas à vivre, je pense, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça, mais pour ça, c'est la mission que lui a investi son père. Il les aspire à le faire, mais pas, il le fait pas lui-même. Et c'est pour ça que c'est un héros, parce que il reste justement que dans des faits d'armes. Si il voulait changer la vie des gens, ça serait un politicien, un gourou, un dieu. Et là, ce serait un, et là, c'est un héros parce qu'il intervient que dans des contextes genre de faits d'armes, quand il y a un ennemi vachement fort à tuer. Mmh. Et c'est pour ça que c'est le protecteur de l'humanité, mais pas le leader, quoi. C'est ça. Et dans Red Son, on parlait, c'est le contraire. Il impose du coup cette dictature, il pacifie tout le monde, mais c'est une espèce de dictature horrible, quoi. Et c'est pour ça, du coup, je pense que c'est un héros parce que ses interventions sont pas politiques ou totales, etc. C'est juste des interventions. C'est juste par rapport à sa morale. Enfin, la morale, quoi. Et surtout, j'ai l'impression que autant Superman que Hercule, ils jouent un peu comme des contre-forces ou contre des contre-points, contre des ennemis qui sont surpuissants. Et contre lesquels l'humanité en elle-même est impuissante. Lui, il vient équilibrer des forces. Il y a le Deus Ex Machina. Ouais, voilà. C'est-à-dire, bon, en gros, imaginons des aliens qui viennent détruire l'humanité. L'humanité n'a pas la force de les contrecarrer. Mmh. Et bah, c'est Superman qui intervient. Par contre, quand c'est des affaires interhumaines, Superman n'intervient pas directement. Ce qui n'est pas le cas d'Hercule. Ce qui n'est pas le cas d'Hercule. Il est au service des rois. Il est intervenu dans des guerres entre rois. Ouais, c'est vrai. Il a démonté des empires, il s'est même vengé pour Augias, les écuries, quand Augias l'a pas payé parce qu'Hercule avait demandé de la thune. Donc il y a un côté personnel. Il a dit ok, je monte une armée, je détruis Augias et je mets son fils à la place. Est-ce que Hercule c'est vraiment un personnage héroïque? Bah, je pense que c'est deux différents types d'héroïsme. Je pense qu'on peut pas douter de l'héroïsme d'Hercule. Par contre, Est-ce que Hercule n'est pas un héros, c'est du négationnisme. Ouais, c'est ça, parce que Hercule c'est quand même le prototype, je te donne la parole juste après, c'est quand même le prototype du héros, c'est celui qui nous donne notre idée de héros. Après, est-ce qu'il est un héros dans le même sens que Superman? Là, on peut discuter. Mais tu peux pas dire c'est pas vraiment un héros. Bah, je sais pas. Regarde, par exemple, oui, pardon, Charles-Louis, vas-y. Non, mais moi, je pense aussi c'est culturel. Je suis pas sûr que les Grecs et les Romains avaient la même définition du héros que nous, tout simplement. Oui, c'est possible. Enfin, après, je suis pas expert, tu vois. Mais moi, je voulais juste dire que les dieux vont faire des actes qu'on va considérer comme héroïques, mais c'est pas pour autant des héros, tu vois. Et le fait que Hercule après devienne un dieu, ça atteste un peu de ça. C'est pas forcément un héros parce qu'il fait des actes qui sont surhumains. C'est vrai que là, on retrouve l'intention. Puis quoi. Tu peux même comparer les dieux. Les dieux grecs et romains sont des dieux qui sont, enfin, qui sont pas des modèles, tu vois. Oui, voilà, qui se font des crasses et tout ça, et pourtant ce sont leurs dieux. Et, donc du coup, je pense pas forcément c'est beaucoup lié à ça. Je suis d'accord avec toi, Charles. Oui, mais moi aussi. Non, mais tu disais, oui, peut-être c'est pas un héros. Je te dis non. Il c'est peut-être pas la même définition du héros, mais ça reste un héros. Tu peux pas dire Hercule c'est pas un héros, ça a pas de sens. Mais en fait, on pourrait dire que les rois du monde sont au sommet, ils ont la plus belle vue, mais il y a un mais. Merci. Ah oui, pardon, j'avais pas. Parce qu'ils savent pas quand nous on fait l'amour, on fait la vie jour après jour, nuit après nuit. Ils savent pas qu'ici c'est nous les rois. Oui. Ouais. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire notre vie, hein? Je fais juste une petite parenthèse pour dire aux auditeurs du live que s'ils ont des questions. Ouais, voilà, j'allais écrire, mais dis-le, c'est mieux. Si vous avez des questions, tweetez-les avec la fucking kermesse et je les regarderai. Des trucs très gênants personnels, on répondra. On répondra à toutes les questions qui concernent ça. Il y a pas de souci. Donc posez-nous des questions. Dites-nous, voilà, faites des. Ça sert à ça l'interactivité, le web 2.0. Hein, c'est génial. Du coup, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur ce côté héroïque, pas héroïque, héroïque de jadis mais plus héroïque de maintenant, héroïque par-ci, héroïque par-là. Non, mais je pense. Moi, est-ce qu'on pourrait se poser la question dans les œuvres de Superman, comment les gens réagissent aux actes de Superman? Comment les gens voient Superman? Est-ce que ça, c'est pas une caractéristique du héros, la façon dont il est perçu? Bah, il est plutôt perçu positivement. Après, t'as quelques personnes comme Lex Luthor qui le trouvent qu'en fait, il sert de. En fait, l'humanité se retrouve assistée par rapport à lui, en fait. Alors, c'est oui, un peu je pense qu'il y a plusieurs degrés aussi en dehors de Lex Luthor, qui est quand même un cas à part. Il y a plusieurs degrés dans la réception de Superman, tu vois. Genre, on voit des films où il est comme le dernier Batman vs Superman, qui est une bouse, mais où il est considéré comme un dieu, vraiment. C'est-à-dire, vraiment, il y a des gens qui le vénèrent, qui veulent le toucher quand il arrive, qui s'agenouillent, c'est assez particulier. Alors que. Un peu comme Johnny Lee. T'as aussi souvent l'armée et le gouvernement qui ont peur parce qu'ils peuvent. Ils ont peur, en fait, qu'ils se retournent contre eux. Est-ce qu'il y a d'équivalent Civil War dans DC? En termes d'événements. Ouais, il y a. Oh là là. Tu me. Oh, on s'en fout. Non, mais c'est juste pour savoir si les gens se posent vraiment cette question au niveau de l'univers. Pas parce que tu t'en fous. Identity Crisis. D'accord. C'est le même type de scénar, quoi. On s'interroge sur la place des super-héros. En fait, c'est intéressant. C'est Batman qui récolte, en fait, au cas où, toutes les faiblesses de ses amis de la Justice League. J'ai entendu parler de ça. Pour pouvoir leur casser la gueule s'ils deviennent méchants. C'est génial, ça. Et du coup, il y a plein de secrets qui en découlent et la Justice League éclate. En fait. D'accord. D'accord, d'accord. Mais même dans le dernier Batman contre Superman, c'est un peu la question, non? Oui, bah justement, c'est ça. C'est, ouais. C'était ma question. Mais, non, mais c'est, ça a c'est donné un très, globale, mais... très important de Batman qui est. Il se méfie de tout le monde. La paradoïa, ouais. Ouais. Un peu donc, comme une chauve-souris. Donc, du coup, il y a des gens qui le considèrent comme un dieu, il y a des gens qui sont plus. Mais les gens qui critiquent, généralement, c'est plus des personnalités isolées. C'est rare que tout le public se pose une question par rapport à Superman. Non, le public, non. Il a quand même une vision critique globale de Superman. Le public, non, mais les officiels, oui. Et Hercule, pareil, il n'y a pas vraiment de remise en question de. Bah, Hercule, il divise plus parce qu'il intervient dans les trucs politiques. Donc, forcément, il y a forcément des gens qui sont antagonistes d'Hercule au niveau population, tu vois. Genre, c'est un peu différent comme problématique. Parce qu'il prend parti. Superman, les gens se disent, il fait le bien pour l'humanité, donc du coup. Il y a juste les gens qui se disent ouais mais il est un petit peu plus fort que moi donc ça me casse les couilles, mais globalement les gens sont pour. Une question de Pélissol, donc le camarade, merci à toi, c'est bon le vin. Hercule est-il un garant de la morale antique? Alors ça c'est pour Steven, nous. Ouais, laisse, c'est une question un peu compliquée. Est-ce que c'est un garant ou est-ce que c'est celui qui la pose? C'est un peu le problème parce que Hercule il fait partie de ces légendes qui sont dans la Grèce antique très anciennes. Un peu comme par exemple l'Iliade et l'Odyssée qui forment complètement l'imaginaire grec. C'est-à-dire que nous, quand on pense à la Grèce antique, on pense en gros à moins 300, moins 400. Et il faut savoir que l'Iliade et l'Odyssée et tous ces grands mythes, c'est plus ou moins moins 900, quoi. Donc la question c'est, est-ce que, et ça c'est une question vraiment de philologie, on n'est pas vraiment apte à répondre, et les gens qui travaillent dessus ont assez peu de réponses aussi, c'est à la fois ils incarnent un petit peu quelque chose sans doute d'une époque, mais on sait pas dans quelle mesure, parce que tout ce qui nous reste de cette époque c'est ça. L'œuf ou la poule, voilà. Hercule ou la morale. En tout cas ce qui est sûr c'est que ces personnages là, que ce soit Hercule ou Ulysse ou Achille, ils vont devenir très importants dans l'imaginaire grec et tout ce que nous on connaît comme la Grèce antique, en gros donc entre moins 500 et moins 300, reprennent complètement ces figures et ça devient des modèles de vertu et des modèles des modèles de vertu qui sont à réaliser. Donc la question, est-ce que ça incarne, dans quel sens ça incarne, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça les crée ou est-ce que ça exemplifie? Ça l'incarne, mais est-ce que ça les crée? Ça l'incarne de toute façon. Oui, mais dans quelle mesure ça les incarne? Est-ce que ça les crée ou est-ce que ça ne les crée Il pas. A dit oui, après il a dit la même chose, il s'en bat les couilles. Est-ce que tu... d'habitude. J'ai une autre question de Geneviève. Est-ce que, vu que Guy Carlier a 50 ans, on peut considérer qu'il fait partie de la Grèce antique? On n'a rien compris. Ah, je répète donc, question de Geneviève. Vu que Guy Carlier a 50 ans, est-ce que c'est de la Grèce antique? Je ne crois pas. D'accord. J'ai inventé ces questions, évidemment. Ah, super, oui, d'accord. Excellent. Quand j'étais, mais qui sont ces connards qui posent des questions? Déjà Geneviève, ça m'avait voilà. Ah, bisous à Geneviève, on l'embrasse. Bisous à Jocelyn. Ah, c'était trop. Alors, je pense qu'on a fait le tour de le niveau héroïsme, oui, en fait. Pense, ouais. Ce qu'il est, est-ce qu'on a fait un tour convenable? Est-ce que les gens vont retenir des choses? J'espère. J'espère aussi. En tout cas, si c'est pas le cas, ils iront lire des choses. Voilà. C'est un peu le concept de l'émission. Voilà. Non, ce qu'il y a à lire pour Hercule, parce qu'il faut savoir que Hercule, là on en parle comme si... il pesait dans le game. Non mais il pèse carrément dans le game. Non mais nous on pèse pas. Ah oui, non, nous non plus. On est basé sur Wikipédia, quoi. Toi tu es basé sur Wikipédia. Mais très bonne Hercule, page, hein. on n'a pas un récit, le récit de ses 12 travaux, il est perdu. On a des échos de ça, on a des traces, mais on n'a pas le récit en tant que tel. Des traces. Ce qu'on peut lire, ce qui est vraiment... Des traces de ces bienfaits dans la trace. C'est vraiment très intéressant. Traceception. L'Héraclès furieux ou la folie d'Hercule, maintenant je crois que c'est édité comme c'est ça. C'est une tragédie, ouais. Ouais, c'est une tragédie d'Euripide. Tragédie qui raconte justement. Héraclès furieux. Pendant son dernier. Oh, le dernier travail d'Hercule qui est de. D'enchaîner. Vous êtes chiant. qui est d'enchaîner Cerbère. Il y a le micmac avec Mégara. Vous êtes vraiment super chiant. Est-ce que tu m'entends? J'ai une grande compassion envers nos auditeurs. Donc voilà, Euripide, la folie d'Hercule ou l'Héraclès furieux. Et bien sûr, pas trop d'Euripide, sinon on devient gros. Ripide, ouais. Ouais, c'est. C'est borderline. C'est grave loin. C'est grave. C'est trop loin. Je pense que c'est Grèce antique moins 900 là pour le coup. mais voilà. It's under 9000. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Pour Superman, qu'est-ce qu'il faut lire, Charles? Alors là, comme ça, All pas Star tout, Superman, parce que Justice, est très Injustice. Par exemple, Injustice, c'est très mauvais. Mais une bonne partie des histoires de Superman, je dois avouer, sont très souvent traitées juste du point de vue de la puissance et ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est bien les New 52? Action Comics, c'est pas mal au début. Pour Superman, ouais. c'est de la merde. Ah ouais, honnêtement, je trouve ça nul à chier. Il avait un jean, c'était bien. Parce que les Batman, ouais, c'était bien, les New 52. C'est ses débuts. Il y en a un, ouais, y en Batman, un où il est vieux. C'est Kingdom Come. Ouais, c'est Kingdom Come. Et ouais, Kingdom Come, c'est intéressant, en fait, parce que c'est les fils, en fait, qui reprennent un peu le... Superman dit, je prends ma retraite, j'arrête. Le job super-héroïque, tu vois. Et en fait, les fils sont tout-puissants, sont un peu pourrigatés, et en fait... On se rend compte qu'ils peuvent diriger le monde. En fait, c'est une espèce de critique des héros des années 90 qui sont tous grim and gritty, c'est-à-dire sombres et qui ont pas trop de limites, tu vois, qui hésitent pas à tuer des gens et tout ça. Mmh. Et en fait, Superman revient dans le business parce que c'est des gros cons et montre que la morale est toujours intéressante. C'est comme quand Renault est revenu pour montrer aux gens ce qu'il fallait faire. Merci, attention, quoi. Exactement. Pour vous. Et, toujours debout. Et c'est ça, en fait, c'est quand tu toujours vois en fait, les héros, les versions actuelles de. Dans Batman vs Superman, en fait, bah le Superman de Kingdom Come me dit non, on peut. Les valeurs encore très Boy Scout de Superman ont encore un sens. Et il y a aussi All-Star Superman qui est grave cool, je pense, en comics à lire. All-Star qui raconte les 12 défis de Superman. Ah, ah. Tu vois, qui est intéressant, qui est une version un peu alternative de Superman, mais en fait, où Superman est. Imposé est, par qui les défis? Je ne sais plus, je crois que c'est une divination. Enfin, Divination, merde. Une divination dont quelqu'un lui a dit tu feras 12 travaux. Ouais, il y a un truc dans ça, la cuisine qui vient du futur, pour un devis de moins de 500 €. Il y a un mec qui vient du futur qui lui dit tu feras 12 travaux, du coup il fait 12 travaux. Il fait 12 défis, non mais qui dit qu'avant sa mort il réalisera 12 trucs. En fait, le récit, si tu les vois le faire et à la fin il meurt, voilà. J'ai spoilé la fin. Ah, des gens en kryptonite. Mais c'est intéressant parce qu'il est traité en fait, d'un côté extrêmement puissant. Et en fait, que cette puissance est en quelque sorte un. Oui, c'est à vous. Fini, j'ai un truc à dire après. Oui, que cette puissance est plus. N'est pas forcément quelque chose de bon, en fait, qui est plutôt. J'arriverai pas à faire ma phrase, ça m'énerve. Eh bien alors, est-ce ça tombe bien. Sens respecté, Charles. Non. Ça tombe bien parce que je voulais dire un truc. Est-ce que dans leur côté héroïque, il n'y a pas leur mort qui joue sur ça? C'est pas grave. Est-ce que là, tout de suite, on dit Stavro Guin, là, on revient à la figure christique, n'est-ce pas? Bah, qui meurt est-ce pour que nos ce péchés. Ne serait pas. Plus que des héros, des messies. Comme Jean-Marie. Comme Lionel. Messier. Lionel Messi, c'était mieux. C'est vrai. Mais tu sais, moi, souvent, je prends des messies pour des lanternes, donc du coup. Ok, Et du coup, parce que Hercule, après ses 12 travaux, il a son triomphe. Enfin, il meurt sans faire exprès avec le poison et tout. Et du coup, il va à l'Olympe. Et ça devient un vrai dieu, le dieu des Éphèbes. Ouais. Donc là, ça devient plus qu'un héros, ça devient un dieu. Et Superman, bah, quand il meurt et qu'il revient, c'est le Christ, quoi. Du coup, est-ce que plus que des héros, ce ne sont pas des figures christiques, juste encore plus que, bah, des héros, j'arrête pas de répéter. Donc, est-ce que plus que des héros, ce ne sont pas des messies? Est-ce que plus que des héros, ce ne sont pas, j'attends que vous m'interrompiez, en fait. Alors, j'ai un peu du mal, d'un point de vue philologique, à dire que Hercule est un messie. Un peu compliqué. Ça n'existait pas à l'époque, les messies. Du coup, on peut pas dire que tout un commun est marre de la tuberculose. Est-ce que l'interprétation actuelle, vu qu'on a vu que les interprétations plus récentes comme le Disney le représentent comme un Superman, ne peut pas être assimilée à une figure messianique? Ah, bah voilà, ça c'est intéressant. Voilà, un bon point à ma droite. C'est, ouais, mais moi j'ai apporté l'idée de base. Lui il a juste fait que la rafistolée. C'est une belle construction. C'est une sorte de Christina Cordula d'éloquence. Un beau travail d'équipe. Ça va pas du tout, du tout. Donc, ça va pas du tout toucher ta phrase. Est-ce que le Hercule récent est une figure messianique? Je pense que oui, parce que dans cet aspect super-homme, la figure de Jésus joue énormément. Jésus, c'est un peu maintenant le prototype du super-homme, quoi. C'est le mec qui marche sur l'eau, qui est le fils de Dieu. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à Hercule, quoi. Qui combat des aliens. Ouais, il transforme l'eau en vin, ce qui est quand même un pouvoir mieux. Ah bon, il fait ça? Non, pas Hercule, Jésus. Ah, le mec qui se pas. J'avais pas lu ça. Moi, je commence à kiffer tout de suite. Le mec qui vient de dire tout son catéchisme, en fait, c'était peut-être l'histoire d'Hercule, il a pas suivi. C'est ça. Non mais oui, et surtout Superman. Superman, on en fait des caisses avec ça. C'est un peu la figure de Jésus. Bah, c'est là que ça se voit le plus dans Batman vs Superman en termes de. Il était pas à la base techniquement. Man of Steel un peu moins. Ça, on en parlera peut-être un peu après. Okay. Mais surtout, comment tu nous as parlé, Stavro, de leur mort. Comment ils sont morts, ces deux héros, Stavro qui ne m'écoute pas. Alors moi, je suis là. Hercule, en fait, c'est sa femme. Non, en fait, sa femme qui se fait capturer par un centaure, ouais. Qui va tuer avec une flèche enduite du sang de l'hydre qui est donc empoisonné. Ouais. Et en fait. Alors, sa femme donne. Enfin, le mec, le centaure, donne à sa femme. Une armure. Ouais. Qui est enduite en fait de son sang. Et il dit à la femme, Hercule sera amoureux de toi grâce à ça, parce que Hercule il commence et à aller voir ailleurs. Il sera pas jaloux. Voilà. T'as rien compris, Charles? Je la refais très rapidement. Hercule. Attends, c'était clair, merde! Hercule. C'est ton accent, ça. Hercule blesse à mort un centaure. Ouais. Avec du poison. Ouais. Le centaure va prendre une armure qui va enduire de son sang mêlé de poison. Mm-hmm. Et il la donne à sa femme en disant, grâce à ça, Hercule sera fidèle. Mm-hmm. Et donc la meuf va faire confiance à son kidnappeur en se disant oh, c'est quand même un chic type. Je vais faire ce qu'il me dit. Syndrome de Stockholm en moins 900. Bon, c'est ça. C'est quand même un plan un peu tarabiscoté. Ouais, mais non, c'est un centaure, il a pas de reproche. Non, ouais, bien joué. N'empêche que ça marche. N'empêche que ça marche parce que Hercule va mettre l'armure et il va mourir bêtement. Sa peau va se décoller. Il va dire ah, j'enlève l'armure, mais sa peau part avec. C'était le premier lépreux. C'est une sorte de feu grégeois. Il est biodégradable, Hercule. Les héros sont tous biodégradables, bien sûr. C'est héroïque. Merci. Et Superman, donc du coup, comment il meurt? Bah, Superman, en fait, il meurt jamais vraiment. Ouais, on a dit, c'est contre Doomsday. C'est un héros de comics, donc ouais, il meurt entre guillemets contre Doomsday, mais il revient après à la vie. Faut faire de la thune derrière. Comme une certaine personne dont on avait parlé juste avant, tu vois. Jesus Christ. Et mais après, oh là, Jesus. Après, c'est un peu une règle dans les comics, c'est qu'on va un peu tuer tous vos persos et ils vont tous revenir à un moment. Ou un autre. Ouais. Comment un dit Jésus en John allemand? Snow. Oui. Ouais, non, c'est bon, merci. Oui. Comment dit Jésus en allemand? Je ne sais pas. C'est toi qui a fait de l'allemand. Donc, ok. Ok, donc du coup, est-ce que ce sont des messies? Oui. Plus que des héros, on peut dire que ce sont des messies. On peut. Des figures messianiques. On peut dire ça si on veut. Voilà, donc j'ai amené quelque chose finalement avec mon idée à la con. Oh, bravo! Eh bien, merci, oh, bravo. Merci à tous. Allez, on trinque à ma bonne réussite. Allez! Super! Voilà. Est-ce que du coup, on passe avant de faire une deuxième partie à un petit totodat fécal? Ah, bah la chronique. On se fait une pause. On sait pas si je suis en état. Oui, allez, on fait une petite totodat fécal. Allez, Qu'est-ce que c'est passé? C'est de la merde! On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. C'est ça, votre spécialiste? Allez, non, essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Tout ça, moi, je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. C'est de la merde. Alors, petit rappel, parce que c'est une chronique qui n'a pas été beaucoup entendue dans la SK. C'est vrai. C'est vrai. Donc, le concept de l'autodat fécal, c'est que je... On brûle des cacas. C'est exactement ça. On brûle des cacas. Je me farcis le film le plus pourri que je peux trouver sur le sujet et je vous en fais un compte-rendu totalement objectif, bien sûr. Bien sûr. Ok. Fermez les yeux une seconde et essayez de visualiser. Regardez dans le ciel. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, mes amis, c'est une nouvelle bouse colossale qui vient se déposer délicatement sur le bûcher de l'autodat fécal, emplissant déjà nos narines d'un délicat fumet si caractéristique de la diarrhée filmique. Pour toi, public, j'ai été chercher ce que le cinéma avait de meilleur sur notre thème. J'ai nommé le Superman de B. Gupta, sorti en 1987 en Inde. Ah! La légende raconte que la première intifada datant de la même année serait survenue suite à un visionnage public du film sur la place principale de Gaza. Déjà, dès le générique, ça sent assez mauvais, les gars. On a une licence d'exploitation en indie qui passe, mais vraiment une demi-seconde à l'écran, quasiment en image subliminale, parce que ça serait quand même dommage que les gens s'arrêtent dessus pour se rendre compte que les mecs n'ont absolument pas l'autorisation de faire ce qu'ils font vu que le film est une pompade scandaleuse du Superman de Richard Donner en 78. Vous ne me croyez pas? Si je vous dis que toutes les scènes où Superman vole sont extraites du film de Richard Donner, mais en assombrissant un peu l'image et en la rendant floue pour qu'on ait l'impression que Christopher Reeve est indien. Vous me croyez? C'est d'autant plus scandaleux quand on a des gros plans de taxis new-yorkais qui sont censés se balader au milieu de New Delhi. Mais c'est pas grave. Imaginez si on faisait pareil dans l'autre sens. C'est comme si on reniait un film chinois en 4 tiers pour que leur gueule ait l'air française. Et en faire une version bien de chez nous. On a même des scènes où on voit dépasser le cadre de la télé qu'il filmait avec le Superman de Donner à l'écran. La scène où la force de Superman est démontrée par sa capacité à plier un tuyau d'arrosage peint en gris, censé être en fer, atteint des sommets de gênance. Donc un film au budget faramineux que j'estime au moins à 500 000 roupies, bon calmez-vous ça fait 6 000 euros, avec des scènes magiques où un jouet de Superman collé à une planche passe devant une caméra rotative pour donner l'illusion d'effets spéciaux à couper le souffle. Un jouet de Superman. La fameuse scène iconique du sauvetage d'un avion par Superman m'a laissé sur le cul. Imaginez un avion découpé dans du carton, tenu au-dessus d'une image de paysage qui défile, ellipse narrative et oh miracle, Superman qui pousse un avion sur le tarmac, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de dire à un connard cosplayé de poser sa main sur une roue d'avion en souriant que d'aller faire des galipettes en l'air. Affligeant. Un scandale sans nom en termes également de respect du matériau originel au passage. Au début tout va bien, Superman interprété par Puneet Asar, qui arrive donc de Krypton et qui Krypton qui part en couille. Pugnitasar, oui, Pugnitasar, j'appelle affectueusement cela un samedi soir chez Stavro. Pugnitasar. Pugnitasar. Oh donc ses parents, il arrive de Krypton. C'est mauvais. Les parents l'adoptent et l'appellent Shekar. Bon, on l'appellera Sheklark, comme ça on va pas se perdre. Bon, admettons, il est entiché donc de la Lois Lane locale dès son jeune âge, qui s'appelle Jita, ou Gigi pour les intimes. Sauf que le petit Verma, donc, qui est le nouveau Lex Luthor, Verma, kiffe bien la petite aussi. Et est déterminé à faire payer chez Clark pour lui montrer que qui veut Ken Gigi Rack. Oh! Oui. C'est nul. Oh, allez, t'es un bâtard. bravo pour la construction. Bien, comme Genesis de Lex Luthor, on a vu mieux. Enfin, le manque de respect se poursuit avec un Superman qui a notamment des pouvoirs télékinésiques et qui s'en sert pour apporter des assiettes aux enfants de New Delhi. Comme quoi, en 80 ans de comics, on croyait avoir fait le tour de Superman, mais Superman dame de cantine, perso, ça m'en bouche un coin. À quand la dame pipi qui utilise ses rayons X pour voir les gens en détresse à court de pipi? Bon, comme c'est un Superman indien, on est obligé de se taper des scènes de chorégraphie. Et on a une scène gênante où le jeune Shea Clark, qui shake son booty chez le médecin sur Beat It de Michael Jackson, nous vend du rêve. Certainement encore un élément qui figure dans l'autorisation de licence diffusée au début du film, je n'en doute pas. tout le film, donc, est un ramassis de conneries dont je vous éviterai le détail. Sachez seulement que le plan machiavélique du méchant consiste à faire péter une cabane dans le désert pour pouvoir racheter le terrain moins cher après. J'ai failli hurler au génie. Tellement l'idée d'un génie du mal, promoteur immobilier avec une coupe de cheveux évoquant un animal crevé sur la tête me paraissait prémonitoire. Oh. Trump, bonjour. Mais je me suis vite calmé. Pour conclure, je dirais que nous avons là un formidable représentant de la popoculture. Je me plaindrais bien d'avoir encore perdu 120 minutes, mais bon, j'aurais dû me méfier. Finalement, l'œuvre de Begupta ne diffère pas tellement d'un poulet korma à emporter dans le 18ème. Vu l'odeur, il était difficile de s'attendre à autre chose qu'une chiasse carabinée. Ah, bravo, c'est beau. Bravo, c'est beau. C'est voilà. Très beau. C'est ça raciste. Donne envie de voir ce film. Mais c'est beau. Merci, hein, tout à fait cal. Il est pas souvent là, mais quand il est là, on le sent, ça fait plaisir. C'est vrai, on le sent bien. Trois autos d'Afécal en. Trois autos d'Afeco? Non, ouais, deux. Deux autos d'Afeco. Ouais. Deux autos d'Afeco. Deux dans la FK, un dans la DC, ouais. Ouais. En 21 émissions, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Bah, si vous l'aimez, dites-le moi et ça reviendra. Ah, voilà. Moi, je te le dis. Très bien. Ça permet à Zaza de regarder les films de merde avec un prétexte. Mais... Exactement, parce mais que j'ai envie de regarder ces films, mais du coup, ça me donne une mission. Mais t'as pas besoin de prétexte, un peu comme Superman. Ah mais lui visiblement ça lui donne tu vois une contenance. Voilà, okay. Je suis Superman du film de merde. Je me dévoue okay. Pour l'humanité, pour regarder des choses que vous ne ferez pas par vous-même. Il est arrivé en charter de la Tunisie. Il a été recueilli par une famille. Ils l'ont appelé Alexandre. Aladdin. Aladdin. Aladdin, c'est ton nom de Krypton. Caladin. Caladin. Alors, on attaque la deuxième partie de cette fucking kermesse où, après avoir essayé de voir plus ou moins qu'est-ce qu'ils étaient des héros, on va voir pourquoi ils nous plaisent ces figures, Hercule et Superman, pourquoi ils marchent et comment leurs mythes se sont construits. Comment on a fait pour s'identifier à eux, parce qu'en soi, si c'était juste des héros, ce serait pas très intéressant, ils seraient distants de nous. Mais quand même, c'est des personnages qui nous parlent, qui sont exploités depuis très longtemps et qui, du coup, doivent avoir, d'une façon ou d'une autre, des ressorts qui font qu'on s'y attache et qu'ils ont une valeur pour nous. Voilà, alors, qui du coup deviennent des symboles par ce processus d'identification. Alors comment marche le processus d'identification par exemple chez Hercule? Bah je pense que c'est un demi-dieu. C'est-à-dire ouais, qu'il voilà. A un côté humain. Ouais. C'est vrai que si c'était juste un dieu, bah ce serait chiant quoi. C'est un dieu. Alors que là, le fait que ce soit un demi-dieu, on a toute une part d'humanité qui nous permet de s'identifier. Il a ses aventures, il a éventuellement ses faiblesses parce que si c'est Zeus qui doit, vaincre l'hydre de Lerne, bon, bah, on sait qu'il va la vaincre immédiatement. Tandis que Hercule, il peine à vaincre cette hydre. Et il est obligé d'avoir son assistant, Iolaos, je crois. Iolas, ouais. Qui lui donne un peu des... Des tips. Ouais, des tips pour vaincre. Notamment, cautériser les plaies de l'hydre pour pas que les têtes repoussent. Donc chez Hercule on a ça, cet aspect de demi-dieu. Après il a pas beaucoup de faiblesses, ceci dit. Il a un côté humain qui fait que on peut s'identifier. Surtout dans le Disney d'ailleurs, au début il a une super force mais il l'emploie vachement mal, il casse toute la ville et tout, il est vachement maladroit. Ouais. Ouais. Mais le fait qu'il soit formé, c'est vrai que ça inclut un caractère humain. Genre c'est pas inné chez lui comme Superman qui arrive et qui a déjà la bonté, qui a été formé par personne. Hercule, non, la bonté, il doit quand même apprendre les valeurs du héros et la force. La bonté, Superman, il a de ses parents qui sont fermés. Ouais, ouais, voilà, ouais. Si la veux. Force, il l'a innée, mais. Ouais. Ouais. Alors que Hercule, il a une mission quand même qui est donnée par son père dans le vaisseau, qui est de sauver l'humanité. Tu vois, Hercule, il se fait former par, dans le dessin animé, c'est Philoctète, mais c'est pas du tout ça dans la. On lui attribue beaucoup de professeurs différents. Ouais, il a plein de professeurs. Dont un qui défonce donc au tabouret. Qui lui permet pas seulement d'avoir sa bonté, qui lui permet surtout même d'avoir la maîtrise de sa force et qui lui permet d'apprendre des techniques de combat. De pas se mettre un pain quand il se mouche. De maîtriser sa nature. Voilà, finalement. Ouais, ouais, et surtout la mettre vraiment à profit, parce que sans ces techniques, ça sert à rien. Ouais. Il est juste fort, quoi. Mais il sait pas utiliser cette force. Donc on lui a prêté 3 ou 4. Et oui, car comme disait là au-dessous, force sans maîtrise n'est que barbarie. Merci. Et donc, par contre, Superman, comment ça marche avec Superman? Superman, bah, il a Clark Kent. Exactement, alors. Il a Clark Kent. Mais Clark Kent, pour moi, c'est ce qui fait que Superman est un héros pas intéressant, en fait. Regarde, est-ce que je peux développer? Vas-y. Est-ce que je peux développer? Parce que si tu regardes Clark Kent, finalement, c'est ce que vous dites. Qui est-ce qui disait ça l'autre jour? Tarantino, peut-être. C'était toi qui disais ça, Clark Kent, en fait, c'était pas son alter ego, contrairement aux autres super-héros. C'est Tarantino qui dit ça. Et bah, on peut écouter tout de suite. On peut écouter, ouais. Tarantino. Moi, je trouvais ça vachement intéressant. Bill dans Kill Bill 2. Qui fait un petit monologue sur Superman. Alors je suis désolé pour les gens pour le live, ça va peut-être pas être très audible, mais voilà, on verra. Bon. Tour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Il lui faut encore longtemps, cette saleté, pour faire son effet. Environ 2 minutes, juste le temps qu'il me faut pour arriver là où je veux en venir. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter-ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Un peu comme Béatrice Kiddo et Madame Tom Clinton. C'était très long. Plein de choses à dire, donc néanmoins, malgré la longueur de cet extrait qui est vachement classe. C'est quand même super classe. C'est quand même super classe. Bill de Kill Bill 2 nous apprend que Superman, contrairement aux autres super-héros, genre Bruce Wayne, il est Superman avant d'être Clark Kent. Du coup, l'alter ego, c'est plus Clark Kent que Superman. Et pour moi, ça le rend beaucoup moins intéressant. Parce que sa nature profonde, c'est un être qui est manichéen et qui n'est pas ambigu, tu vois. Je trouve que dans beaucoup d'autres super-héros... C'est quoi le rapport avec Clark Kent? Attends, j'y viens. Chez beaucoup de super-héros, tu vois, leur nature profonde, c'est qu'ils ont des conflits internes et que c'est pas évident pour eux de faire le bien. Et là, Clark Kent, si tu veux, c'est sa version d'identification. Alors que dans les autres super-héros, c'est plus leur personnage humain qui permet de s'identifier. Et là, Clark Kent, c'est une parodie, c'est une caricature, tu vois. Genre, c'est une merde, finalement. C'est un mec qui est super timide, qui fait un peu pitié. Charles s'énerve. Il se soumettre par Lois Lane. Il est myope, c'est un galérien, quoi. Et du coup, bah, c'est difficile de s'identifier à une merde, quoi. Ça m'étonne de ta part. En fait, moi, je suis pas hyper d'accord avec la vision de Tarantino, déjà à la base, qui est une vision d'auteur, tu vois, qui est son interprétation du personnage. Moi, je la reprends. Qui est hyper intéressante en tant que soi, mais moi, dont je vois Superman, en fait, c'est qu'il a deux personnalités. Il a sa personnalité kryptonienne, mais qui est sa personnalité un peu innée, qui l'a, tu vois, qui l'a. que personne lui a appris, parce qu'il est super puissant et donc il profite de sa puissance. Et il a sa personnalité que ses parents lui ont éduqué. Ouais. Et qui, elle, est Clark Kent en fait. Je suis d'accord. Et Clark Kent, c'est son côté humain. Il montre en fait mais en Clark Kent. C'est dur de s'identifier à Clark Kent. Mais non. Laisse-moi finir. Il montre en Clark Kent en fait ce que tout le monde peut faire. Et Clark Kent, c'est quelqu'un de bon de base. C'est vraiment quelqu'un de bon. C'est un bon journaliste. C'est une tapette. C'est un lâche. Non. Non, c'est un humain normal. Quand il y a un putain d'extraterrestre qui vient détruire toute la ville, évidemment, tu vas pas l'affronter. Mais attends, même sans parler de ça, la scène iconique où le mec attrape une balle, et bah Superman, il lui dit tiens, Loïs, donne-lui ton collier et tout. C'est un lâche, Superman. Clark Kent. Tu vas pas sacrifier ta vie pour un collier. Non, mais je suis en train de dire que y a pas d'héroïsme, si tu veux, dans chez Clark Kent comme tu peux en avoir dans d'autres alter ego. Peut-être pas dans le truc que t'as lu. Toi, mais moi, oui, enfin, que t'as vu, toi. Mais le truc, c'est que moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement, Clark Kent, ça montre que Superman, qui essaye de s'intégrer dans les humains, et qui essaye de. Contrairement, genre, à Hercule, qui, et par tous ses travaux, essaye de revenir. Vous me laissez parler ou on fait des petits apartés, là, hein? On est où? Contrairement à Hercule, qui essaye de faire plein de travaux pour remonter et redevenir Dieu, Superman il arrive d'en bas, il est déjà au-dessus de nous et il essaie de descendre à notre niveau en étant Clark Kent. Du coup, il y a un mouvement inversé. Bah, si, ouais, je suis pas sûr même. C'est vrai que la vision de Tarantino, je trouve que c'est une très bonne vision, mais il pourrait. Parce qu'il apprend. Steven of Approval. Il apprend en fait sa nature de Superman. Un peu plus tard. Sa mission, même, il l'apprend plus tard. Ouais. Il découvre en tant que Clark Kent ses pouvoirs. Et il pourrait dire j'en ai rien à foutre, ouais. Et je prends tous les puissants, je leur chie dessus et je deviens le maître de l'univers. Mais il décide d'accepter sa mission, que le père lui a donnée, quoi. Il décide d'être Superman. Donc en effet, il est Superman en tant qu'il a ses pouvoirs dès le début. Il arrive avec sa couverture, avec le S de Superman, mais il accepte quand même toute la mission et tout ce qu'il fait Superman. En fait, ça c'est quelque chose qu'il accepte. C'est pas quelque chose qui lui le tombe sens du vraiment devoir. Dessus. Mais pour moi en fait, Superman c'est son idéal à lui aussi en fait. Tu vois. Ouais. Il a grandi en tant que Clark Kent et quand tu vois Clark Kent, c'est lui, c'est sa personnalité propre. Et quand il est Superman, en fait, c'est un idéal pour les gens, mais pour lui aussi. Et ouais, moi je trouve ça plus identifié. Enfin, je m'identifie plus à Superman essayant d'être Clark Kent qu'à d'autres super-héros, genre Bruce Wayne. Je trouve vraiment pas. Enfin, Bruce Wayne, c'est juste un milliardaire comme Tony Stark ou je sais pas quoi. C'est Clark Kent, au moins, c'est un surhomme qui, enfin, un ouais, super-homme mais... qui essaye de d'être comme nous et de vivre comme nous. Et je trouve ça intéressant en fait. Je comprends. Après, je trouve que dans ces deux personnalités, il est pas ambigu, il est pas ambivalent, tu vois. Par exemple, un Bruce Wayne, c'est un mec qui. Enfin. Déjà dans le Batman, tu vois le Bruce Wayne transparaître parce que le mec dans son humanité, il va continuellement se battre contre sa volonté de buter des gens comme le Joker, tu vois. Genre il se pose la question, tu vois. Alors que Superman, finalement, c'est quelqu'un, même s'il a un alter ego, qui est assez manichéen. Et oui, je trouve que ça, c'est difficile de s'identifier à un personnage manichéen. Non, mais en fait. C'est un mec manichéen, mais qui tout le temps se pose la question est-ce que je vais pas. Tu vois, est-ce que je vais franchir la ligne et qui ne le fait jamais tout le temps, je sais pas, c'est un truc qui est intervenu sur le tard quand même. Non, hein. alors que Hercule, c'est un personnage auquel on s'identifie beaucoup non, plus, je trouve. Pour ce qui est du comics, tous les personnages que tu connais ne sont pas les personnages qui sont à la base, en fait. Ils ont tellement été écrits, ouais. Réécrits que. Mais voilà, mais Superman est un personnage en fait, qui a une telle puissance qui pourrait tuer n'importe qui et qui toujours se dit je ne dois pas utiliser cette puissance. C'est-à-dire que dès qu'il se bat, il retient ses coups, Superman. Exactement. En fait, Superman n'était pas Clark Kent, mais Lex Luthor, il pourrait dominer l'intégralité du monde, quoi. Exactement. Ouais. Mais il choisit d'être Superman. Mais est-ce que c'est humain, ça? Bah, est-ce que ça permet de s'identifier? Je suis pas sûr. Bah, je suis pas sûr. Tu t'identifies toi, plus à. Tarbat, pour moi, c'est un personnage qui a pas énormément de nuances, quoi. Et un autre exemple de ça, pour moi, enfin qui bloque l'identification, c'est tu vois la kryptonite. C'est un truc qui est arrivé en 1945, alors que les premiers Superman c'était dans les années 30. Donc et c'est 1938. Non mais voilà, donc en fait, il y a eu 60 numéros de Superman avant qu'ils introduisent le gimmick de la kryptonite parce que le personnage à la base tel qu'il est construit, c'est un personnage manichéen qui peut pas être opposé et après ils ont rajouté le gimmick de la kryptonite pour qu'on puisse se dire ah mais c'est quand même on peut s'identifier, il est en danger. C'est comme je t'ai dit exactement tout à l'heure, les personnages tels qu'ils ont été conçus à la base sont pas du tout celui que tu connais en fait. Oui, mais là on parle quand même et de à la base Superman il volait pas, il sautait, tu vois, il faisait des bonds gigantesques. Ouais. Enfin, il y avait plein de trucs, tu vois, même Lois Lane s'était rajouté bien après. Mais je trouve que du coup, le fait que ça, rajouter c'est... la kryptonite derrière, ça fait gimmick. Tu vois, ça fait genre, on a créé un truc super cheaté et on va rajouter un petit truc pour que, en fait, il y ait de la tension, quoi. Alors, JB nous dit. En fait, ça a été pour contrebalancer tous ces pouvoirs qu'il a eu au fur et à mesure. Parce que tous ses pouvoirs, il les avait pas à sa base, à sa création. Ouais. JB nous dit que la mission de Superman, elle a jamais été donnée par son père, mais pas, c'est que c'est Clark qui a choisi de le faire. Non, trop pas. Non, c'est quand il va dans le vaisseau que son père lui dit, déjà dans le Superman de 78, qu'il doit assister les hommes, être un catalyseur et pas intervenir dans la politique. Après, comme d'hab, t'as plusieurs versions. Désolé! Après, je crois que j'ai bien plusieurs versions. Qu'est-ce que t'as quand même? Calme-toi. Il y a plusieurs versions et quand bien même. Mais les deux ont un message positif envers. Ouais, c'est ça. Dans les deux cas, soit il choisit vraiment tout seul de le faire, soit il accepte la mission de son père. Mais accepter sa mission, c'est une manière de choisir. Donc, je pense que dans les deux cas, on a ce truc-là où Clark Kent, qui a eu cette éducation-là, choisit d'utiliser ses pouvoirs pour devenir Superman. Ouais. Que ce soit de son cul ou de son père, il choisit dans les deux cas, quoi. Ou du cul de son père. Ou du cul de son père, exactement. Des couilles de son père, comme j'ai dit. Et même, effectivement, comme tu dis, si c'est son père kryptonien qui lui donne l'émission, c'est son éducation qui le pousse à. Et ouais, après, pour. On va dire, je chie sur mon père et. Je l'ai même pas connu, ça m'est pas mon repère. Pour reparler de ce que disait Zaza par rapport. Attends, c'est dur de lire. Pour reparler de ce que disait Zaza par rapport à Clark Kent qui empêche l'identification, si tu prends l'article de Echo sur le mythe de Superman. Umberto Echo, lui, il dit que justement. Pas le dauphin? Et non, pas Echo. Et pas Echo le dauphin. Echo lui dit que Clark Kent permet l'identification au lecteur de comics moyens des années 40, oui, qui a une vie de merde et qui, du coup, s'identifie à sa vie de merde de comptable ou d'assistante, je sais pas quoi. Il pourra lui aussi devenir un surhomme, comme Superman. Non, mais je comprends le gimmick. Moi, je trouve que c'est tellement poussé, c'est tellement une merde en général que. Mais aussi, mais c'est, par exemple, dans les intrigues amoureuses, on a la série Lois et Clark. Une série des années 80, passé sur M6. 80 ou 90, je sais plus. Où, c'est on pas a... les... Lois et Clark, tu vois. Lois est joué par Terry Hatcher. Ouais. Et là, on s'identifie beaucoup plus au personnage dans l'aspect où il n'arrive pas à parler à cette fille. Tu vois, juste dans son intrigue amoureuse. Oui, où il a des émotions, des pulsions. Voilà. Mais c'est pas alors avec Hercule, parce qu'on parle beaucoup de Superman, mais Hercule aussi, du coup. Il est sujet à ses pulsions, ben, comme on a dit, à défoncer son prof à coups de tabouret. Il baise quand même régulièrement Hercule. Hein, des hommes et des femmes. Ouais, des hommes et des femmes. Tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de. Et pas que au sens. De représentation. Non, mais du coup, moi je trouve que ça c'est un facteur d'identification, le fait qu'il des faiblesses, le fait qu'ils soient soumis à leur passion, à leur pulsion. Ça c'est un facteur fort d'identification. Ouais, mais je outre la kryptonite, toutes les faiblesses de Superman viennent de son aspect Clark Kent. Viennent de Lois. C'est pour ça que je trouve que Injustice est très intéressant. Parce que même si t'aimes pas Injustice en soi, et tu pourras peut-être nous expliquer pourquoi, mais ça pose une question intéressante parce que tu vois Superman. Bah, en gros, l'histoire c'est que le Joker fait un plan machiavélique qui fait que Superman est un peu perturbé et se rend pas compte que en croyant buter le Joker, il bute Lois Lane. Et du coup, il pète un câble et il bute le Joker en fait. Et après, il décide de devenir le maître du monde. Du coup, plus de jus de fruits. Voilà. Ouais. Mais je trouve que c'est une histoire super intéressante à ce niveau-là parce que ça rend le personnage plus humain parce que c'est des pulsions qu'on a en soi, en nous. Et si on avait tant de puissance, est-ce qu'on ne poserait pas cette question en permanence, quoi? Parce que t'es un connard, je ne suis pas Superman. C'est juste ça en fait le fond du problème. C'est peut-être ça. Peut-être. Hein. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais je trouve que, par contre, ce qui est bizarre avec Hercule, c'est qu'il a. Tu trouves qu'on s'identifie plus à lui, mais il a énormément moins de faiblesse que Superman en soi, Hercule. Parce qu'il a un côté humain, parce qu'il est demi-dieu, mais niveau faiblesse, il en a pas. Il a pas de kryptonite, ou je sais pas quoi, Hercule, tu vois. Bah, dans le Disney, c'est Megara, quoi. Mais et d'ailleurs, même dans la mythologie, c'est la femme qu'il aime qui finalement entraîne sa fin. D'ailleurs, je parlais de l'Héraclès furieux de Ripide, et à la fin de cette tragédie, Hercule hésite quand même à se buter. Mais c'est Thésée qui l'a ramené des enfers qui l'empêche de se buter. Donc il a quand même le fait d'être tombé fou et de vouloir buter, enfin d'avoir buté Megara et ses enfants, ça lui crée une sorte de faiblesse quand même. Et on voit qu'il est quand même amoureux de cette femme et qu'il se reproche cet acte-là. Même si cet acte-là, il a aucune, comment dire, il a pas vraiment de responsabilité dans l'acte parce que c'est Hera qui l'a fait devenir fou, mais il a quand même cette faiblesse. Après, du coup, toutes ces formes d'identification font, comme on l'a dit, que ce sont pas seulement des héros ou des figures, mais des symboles, parce qu'on peut se les approprier. C'est ça, donc, qu'on essaie de dire. Ouais. Alors, quel type de symbole représente à la fois Hercule et Superman? Bah, il y a autre chose aussi que, avant de partir sur ce que tu dis. Tu es en train de faire une transition toi-même, mais tu la niques. Ouais, bah, j'ai changé d'avis. Transition Man. C'est moi. En fait, en gros, un autre aspect, bon, on va repartir sur Echo et Echo le Dolphin et Echo, tout ça, toutes les blagues sont faites, c'est bon, on peut passer à autre chose. il dit que ce sont des mythes. Enfin, Superman est mythe aussi, est mythe par rapport à la forme du média dans laquelle il est, le comics du coup. Parce que, alors, faut résumer Umberto Eco. Allez, résume Umberto Eco. Résume Umberto Eco. L'article se trouve très facilement sur internet, ça s'appelle Le mythe de Superman. Ça fait 18 pages, lisez-le, c'est très bien. Les 6 premières pages sont très bien. Mais Stavro va vous le résumer maintenant. Non, c'est vrai. Maintenant. Alors, en gros, le comics. Le résumé de Stavro. Wouh! Ça va sûrement être un peu craignose, donc fallait pas mettre un jingle, ça met trop de pression. C'est pour ça que j'ai mis un jingle. Le comics, c'est quelque chose, c'est un truc de consommation courante, comme les romans au 19e siècle, où c'était un sport de feuilleton qui doit se faire toutes les semaines. Donc, il faut toujours qu'il y ait une sorte de coup de théâtre, que l'histoire évolue. Le péripétie. Et qu'il y ait des péripéties, que le personnage soit consommé, parce que plus il fait de choses, plus il se rapproche de la mort ou de la fin, parce que du coup, bah, il avance dans sa vie de super-héros. Finitude. Mais du coup, le souci, c'est que si on fait ça, bah, c'est pas un mythe, Superman, parce qu'un mythe, ça doit avoir comme Hercule des caractéristiques fixées dans le temps qu'on connaît, qu'on peut associer à Superman, enfin à Hercule pardon, et que du coup on peut dire lui c'est le symbole de ça, c'est comme ça que ça se passe tout le temps, etc. Les 12 travaux d'Hercule, etc. Alors que Superman, vu que c'est un truc feuilletonnant qui doit être remis chaque semaine sur les étalages, bah on peut consommer trop vite le personnage et son histoire peut être réécrite à chaque fois, etc. Et du coup on peut lui refaire des origines et ci et ça, et fait qu'on ne sera jamais un mythe, ce sera toujours du coup de théâtre ou un personnage qui sera réinventé pour vendre du papier. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit un mythe Superman? Eh bien on nique la temporalité. Superman, en fait, il n'y a aucune temporalité dans les comics, c'est ce que dit Wiko, il n'y a pas d'avant ni d'après, on raconte les histoires un peu au pied levé pour que le personnage soit jamais consommé, que ça reste toujours des travaux un peu sans ordre chronologique précis, ou alors on fait des univers parallèles, Earth 1, Earth 2, nique sa mère, pour qu'à chaque fois, il n'y ait pas une chronologie fixe de Superman et que ça reste un mythe avec des légendes plutôt que des faits et une frise précise. Parce que ce que dit Umberto Eco, c'est que ce qui fait le mythe, c'est le fait qu'on ait une morale, une loi universelle qui soit imposée par de fait de la finitude. C'est genre t'entends une histoire. Et c'était comme le modèle du mythe avant la naissance du roman, avant le Moyen-Âge. Et où, en fait, voilà, t'avais une forme finie avec une morale et que du coup tu pouvais t'en imprégner. Le fait que ça soit pas fini, justement, poussait tellement loin le phénomène d'identification que du coup t'avais pas ce côté de loi universelle qui te dépasse, en fait, en quelque sorte. Puisque tu t'identifies, il a des péripéties, il les résout, mais c'est pas une loi déjà écrite à l'avance avec un conte que tu connais qui est itéré de façon différente. Après, le souci de cette vision-là, c'est qu'on peut très bien arguer que le fait qu'on ait des gens qui lisent Superman toute leur vie, genre quand ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans, que ça les accompagnait pendant des années, ça puisse être une forme d'identification vachement plus forte que Hercule, qui est une loi, enfin un truc déjà fixé. Au Hercule, c'est ça, du coup c'est le symbole de ça. Superman, certes il change, certes il est consommé et tout, mais le fait que tu puisses vivre avec Superman 30 ans et qu'il évolue en même temps que toi t'évolues, ça peut être un symbole fort aussi. Ouais, mais non, justement, c'est le fait qu'il soit fini et qu'on va te raconter l'histoire d'Hercule, et tu sais que ça correspond à telle valeur, parce que c'est un truc qui est fini dans le temps. Donc du coup, Hercule est associé à certaines valeurs qui sont bah, Superman aussi, même si on et le réécrit. Superman, le fait qu'il y ait des trucs qui arrivent après comme Injustice et tout, il y a des péripéties qui font qu'il peut partir en couille, que c'est pas fini, défini dans les valeurs, qu'avec les péripéties il peut très bien dépasser cette nature. Charles, tu veux dire quelque chose? Non, je tu veux casser les couilles. Et ben c'est fait, bah bravo. Donc en gros, on a vu ces deux grandes, c'est vrai que les mythes, là on compare deux figures qui ont pas le même mode de diffusion. Ouais. En gros, Hercule, il a une vie qui est fixée, qui a toujours été la même, qui a été donné voilà, en Grèce antique. Et ça reste Hercule. Après, c'est vrai que, par contre, Hercule, aujourd'hui, quand il est récupéré dans la pop culture. Et dans les comics DC. Et dans les comics DC et. Marvel. Et Marvel. Il y a Hercule. Hercule est un super-héros des deux univers. Mais, ou même dans les productions comme le Disney ou comme celui de. Dwayne Johnson. Ouais. Il s'est passé quoi entre vous, là? Excusez-nous. On arrête tout. Parce qu'il m'a énervé, il nous a dit qu'il tournait en rond. Nous, toi et moi. Quand on tournait en rond. C'est pour ça que j'étais en train de. Je lui ai dit que c'était sa mère qui tournait en rond, il s'en remet pas. ça doit faire écho à un truc chez lui. Qu'est-ce que ta mère a fait? Est-ce qu'elle travaille dans un cirque? Pourquoi elle tournait en rond? On l'appelle la toupie de Rouen. On l'appelle l'éternel retour Nietzsche. Oh là là, deux écoles. Là, par contre, j'ai pas compris la balle. Oui, pas compris, personne. Ce sera dans le DLC sur. L'éternel tournante, on l'appelle si tu préfères. Donc, je disais donc, c'est vrai que dans les comment dire, dans les récupérations qu'on a aujourd'hui de d'Hercule, il y a cette modification qui a été apportée parce que Umberto Eco appelle l'âge du roman. par exemple, dans celui de Dwayne Johnson, The Rock, sorti en 2014, un film Hercule bien craignos, où Hercule ressemble à Mundir, on peut le dire. Alors, et c'est vrai que le film est craignos. C'est parce qu'il est bronzé, mais il a les cheveux longs. Mais par exemple, je trouve qu'il y a une très bonne idée qui est de jouer sur l'aspect mythique, parce que Hercule, il y a une grosse tension, enfin une grosse tension, il y a une tension dans le film où est-ce que c'est un héros demi-dieu ou pas. Et il joue en fait de cet aspect héros, il y a un poète qui l'accompagne pour le faire passer pour un demi-dieu. Oui. Mais c'est juste une manière d'acquérir plus de puissance et de faire en sorte que les ennemis aient peur d'Hercule ou que ses alliés aient une confiance absolue en lui. C'est d'ailleurs le seul truc intéressant du film avec Dwayne Johnson, c'est la construction du mythe. Non, mais ouais. l'idée est comme très quoi, très bonne. En fait, tout est faux dans le film et que le mec, c'est un crieur public qui vient forger le mythe d'Hercule. Quoi. En soi, c'est une super idée. Ouais, c'est ça, c'est le seul truc intéressant du film. Mais tu vois, on a quand même cette structure qu'Umberto Eco lit à l'âge du roman, on la retrouve même chez Hercule quand il est redigéré par la pop culture contemporaine. Parce que c'est une demande aussi qu'on a de oui, mais c'est parce de que ça d'aller ça correspond, au-delà des mythes traditionnels. Ça et de correspond donner, voilà, à une certaine, un certain rapport qu'on a à la fiction. Au roman, en fait. Ouais, c'est, au désir de péripétie et voilà. D'un truc qui n'est pas figé dans on la pierre a, et on la a surprise. Une sorte de désir de réécriture, on va plus se contenter de l'Hercule classique. Par contre, Superman, lui, il est né complètement dans cet âge du roman, et c'est pour ça qu'il a cette structure dès le début. Mais est-ce que, question un peu divergente, est-ce que le fait qu'on entre dans une phase Marvel où du coup on redit des mythes qui sont déjà écrits en comics, on reviendrait pas à une vision du mythe un peu traditionnelle par rapport c'est au vrai. Roman? C'est vrai, par exemple, quand on regarde les films de Superman, on a l'impression de voir quand même globalement toujours le même film. Je parle pas des comics là, parce qu'à la base c'est ça. À la base, ouais, le mythe, c'est on va nous le dire de façon différente, mais une histoire qu'on connaît et dont les morales sont déjà établies on accepte de le dire. Est-ce que voilà, on n'est pas revenu dans une phase comme ça avec Marvel? Je pense que dans la phase de si, mainstream, on est complètement dans ça. Et si, et quand tu parles même aux fans, ils ont une idée bien précise. Du coup, les origines, qu'est-ce qui se passe. Tu te fais bâcher en tant que réalisateur quand tu t'en démarques. Alors qu'en vrai, il n'y en a pas vraiment en comics, vu que ça a été écrit 10 fois. Mais il y a un imaginaire collectif. Du coup, on revient au mythe d'antan, alors. Ouais, c'est ça, et on consolide en fait le mythe. Hercule et les aventures, je disais, ces aventures ont été la base, ont été perdues, mais on a plein de réécritures qui nous permettent de savoir ce qu'était le mythe à la base, parce qu'il a été continuellement réécrit, mais continuellement réécrit avec la même histoire, pas de la même façon, mais avec la même histoire. Et chez Marvel ou chez DC, c'est toujours pareil. On a la même histoire qui est réécrite de façon différente, certes, mais qui est quand même qui devient une sorte de canon. Tout le monde a une sorte d'idée de ce qu'est Superman et de ce qu'est la vie de Superman, même si. Si tu lis les comics, t'as pas ça. C'est ça le mythe, c'est finalement. C'est pas un peu ce que je viens de dire, en fait. Si, ouais, mais c'était mieux dit. Okay. Je dis mieux. Okay. C'était mieux dit. Faut que ce soit clair. Ok. Il a le seum. Du coup, comme ces deux héros se cristallisent un petit peu dans leur histoire. Bon, les gars. Ouais, arrête de vous pécho, là. Putain, ouais, c'est terrible, ça. Plus tard, Ah ouais. Pardon. Un bisou. Superman et Ilaos, quoi. Hercule, plutôt. Ouais, bon, c'est pas. Allez, c'est une fanfiction, ça. Allez. Voilà. Comme ils deviennent un peu cristallisés et qu'ils ont une histoire qui devient un petit peu canonique, qui est canonique pour Hercule et qui devient canonique pour Superman, ils deviennent des symboles. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est des symboles de quoi, en fait? Quel type de symbole représente Hercule et Superman? Ou Hercule ou Superman, peu importe. Le symbole du dépassement de sa nature, déjà. Alors, est-ce qu'ils dépassent vraiment leur nature? Ils vont au-delà de ce que par rapport à tes instincts primaires tu pourrais faire de ça, quoi. Ouais. Ça leur fait pas peur. Ils mettent leur potentiel de surhomme au service de quelque chose. Et ça, déjà, c'est un symbole. Parce que, en tout cas, du point de vue de Superman, c'est évident. C'est un symbole, du coup, des valeurs occidentales qui va porter en parangon judéo-chrétienne, on peut le dire. Et je pense que là, je vais faire un rapide rappel de ma chronique sur Nietzsche. Mais on a un dépassement dans les deux cas, et surtout chez Superman, qui est un dépassement vers un idéal déjà construit. Ce n'est pas vraiment un dépassement de son mode de vie. Il cherche à mettre sa puissance au profit de la morale. De sa nature, mais pas de la société, en fait. Ouais, voilà. Donc, il combat sa nature humaine avec ses forces pour acquérir une sorte de bonté, qui est la bonté définie, en gros, par le christianisme. Et alors, Hercule, de ce côté-là, comment il s'en sort? Qu'est-ce que, de quoi Hercule est le symbole vraiment? De la force, je crois, juste en fait. Il a pas le de la côté... résistance face à l'adversité. Il a pas le côté bon, justicier, etc. Superman, il a juste le côté fort, en fait, je trouve. Parce que, on l'a dit, il a fait plein de trucs craignos, il a dû se racheter, il a dû, il a renversé des royaumes, il a un peu agi comme un bourrin. Et il s'est un bourrin. Et c'est pour ça qu'Hercule, ça a été repris par les, après, ça a été repris par les auteurs chrétiens, blablabla, comme ouais. symbole de force. Et après, c'est devenu le dieu des éphèbes quand il est monté à l'Olympe, mais pas jamais de la justice ou jamais de la bonté, je trouve. Mais juste ouais, mais il arrive à dépasser tous les obstacles qu'on lui envoie, et finalement, ces obstacles sont considérés comme, enfin, c'est un peu des métaphores, si tu veux, des difficultés que tu peux rencontrer toi en tant qu'homme quand tu t'identifies, quoi. Genre, c'est. Tu vas loin, je trouve. Et c'est vrai que. Est-ce que l'hydre, c'est métaphore de nos pères, les bites de nos pères qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Bon, merci. Ça va loin, là. C'est pour là, ça que je trouve que c'est dommage le film avec The Rock. Où à la fin il devient bon en fait. Tu vois, ouais. pendant tout le film c'est un mercenaire et puis là il s'en va et puis d'un seul coup il dit oui bah le peuple opprimé peut-être. Ouais, ouais. C'est un mercenaire mais genre. Ouais c'est ça et en fait il devient Hercule devient un petit peu Superman. Oui. Il est complètement construit par ça alors que ça aurait été très intéressant d'avoir un Hercule complètement mercenaire ouais. où le mec il veut se faire du pognon et il loue sa force à qui lui offre le plus. Ça pourrait être intéressant. Mais à la mais fin il y a toujours ce chier dans le film. Ouais, il y a toujours ce retournement un peu christique où le mec ouais. devient bon. Bah, il dit et qu'il va prendre sa retraite et on lui dit ah oui mais nous on est dans la merde. Ah bah d'accord, c'est chaud. Ouais voilà et puis il abandonne tout son or et puis voilà il va sauver le peuple opprimé. Ouais. Je suis bon, Hercule. C'est la construction du film Hollywoodien d'apporter une morale forcément. Enfin, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, mais du coup, c'est une chose, réécriture film, du mythe. Ouais, ouais, mais qui tu vois, démarque, on a vraiment cette réécriture qui tourne plus vers Superman. Superman, je pense, comme incarne, le Hercule Disney. Incarne cette morale judéo-chrétienne. Mmh. Tandis qu'Hercule, à la base, bah, par définition, il arrive bien avant l'ère judéo-chrétienne et il n'incarne pas cette morale-là. Non mais on l'avait teasé un peu tout à l'heure, mais pareil, Superman à la base n'est pas un modèle du chrétien en fait. Il non, a été c'est vrai. Créé par qui Superman il On l'a même pas dit. Créé, en fait, il a été créé par des juifs fils d'immigrants qui s'appellent Shuster et Siegel. Ouais. Oui. Et qui sont donc des fils d'immigrés juifs. Et en fait, le fait que Superman soit un immigré de Krypton en fait c'est un rappel de ça. C'est une sorte qui se bat contre l'adversité qui lui est imposée par la société. Et donc. Il essaye de s'intégrer en fait à la société humaine. C'est une sorte de métaphore du juif ultra intégré qui va finir par défendre sa nouvelle patrie. Bah il y a et Udolmert. Un auditeur qui nous disait il y a pas longtemps, Dermizo, je crois que c'est un symbole de l'Amérique aussi Superman. C'est le mec, devient... c'est le l'immigré. C'est l'Amérique. C'est l'immigré qui arrive. De la liberté. C'est l'immigré qui arrive, qui s'intègre, qui fait le melting pot et qui finit par combattre pour la justice américaine. C'est un symbole américain en fait. Ouais, mais c'est vrai t'aimes que. T'aimes pas quand on t'interrompt, c'est avant. Charles, non, j'ai mal au crâne en fait. Oui, mais tout. Tu le fais aux gens. Charles a raison, c'est à la base avant tout le symbole d'un immigré juif qui s'intègre en fait à une société. Et donc tu disais, c'est. Alors, le premier indice, voilà, il est créé par des fils d'immigrés juifs. Bon, ça c'est un indice qui tient assez qui peu. Apporte. Il y a des vrais indices au sein même de l'œuvre de Superman et les nazis. Eux-mêmes ont interdit Superman à cause de ça, parce que pour eux, c'était le héros juif. Notamment, son nom kryptonien, Kal-El. Kal-El, ça veut dire la voix de Dieu en hébreu. Ah ouais, ouais. Ah, je savais pas. C'est vraiment... Et puis déjà, juste si t'as la sonorité, Kal-El, tu te dis pas, bon, c'est un bon américain. Ah, je sais pas. Alors que pour moi, Clark ça ressemble à Khaled. Tu vois, il prend le nom... Il change de nom. Lois, écoute-moi. Il prend un nom vraiment américain, alors que son vrai nom, c'est Kal-El. Deuxième indice, peut-être, c'est vrai que la construction du mythe et de sa force est liée à des mythes juifs, des mythes de l'Ancien Testament. Le golem, par exemple. Le golem, voilà. Alors, là, je maîtrise pas du tout, mais je le sais, mais je maîtrise. Alors, pas. Le golem, il y a quelques. Tu sais, mais tu sais pas. Il y a quelques références dans l'Ancien Testament. En gros, c'est une créature créée. qui est pas vraiment doué de conscience mais qui a une grande force. On voit des golems notamment dans le film super pourri qu'on a vu Stavro Warhammer Warcraft plutôt. Ouais, Warcraft pardon. Ouais, c'est la même merde. Wow. C'est la même connerie. Wow. Ce serait le même film. Non, c'est vrai, les deux sont bien. Ce serait exactement le même film. Non, le film Warcraft était une boue sans nom. Ouais, c'était de la merde, Charles. Donc dans Warhammer. Bah, niveau, toi. Et donc Warhammer, Warcraft, toutes ces merdes là, on a un golem, c'est-à-dire c'est une créature créée d'argile ou de pierre dans la mythologie juive, qui a une force surpuissante. Autre indice ou autre référence, Samson, qui est un grand personnage de l'Ancien Testament, qui a une force grande chanteuse. Sanson. Véronique Sanson. Merci. Non, putain. Qui a une force, mais qui a une faiblesse quand même. Sa faiblesse, c'est que Sanson a les cheveux longs et si on lui coupe les cheveux, il perd sa force. C'est un peu sa kryptonite. Ah ouais, c'est un punkage, c'est un coup de troisième indice, Clark Kent. C'est Jean-Louis David. Clark Kent est journaliste. C'est un indice de judéité. Oh merde. F418, bonjour. Journalope. Je tiens à préciser que c'est une blague. Non mais voilà, Samson ou mais c'est aussi un peu le Messie qu'attendent les Juifs. Faut savoir que des gens nous disent que on n'aurait pas dû dire autant de mal de Warcraft, donc on va en dire un peu plus. C'est de la grosse merde, hein, bien sûr. Non mais il y a des gens qui soutiennent le film Warcraft. Le film, on parle du film, on parle pas des jeux. On parle du film. Bon bah allez vous faire enculer. Mao a dit que c'est bien. Ah oui mais Mao on t'emmerde. Mao on te voit ce week-end, on en parlera pour dire que t'as tort. Ah oui c'est vrai. Bon bref, en tout cas voilà, il y a tous ces indices qui font de Superman un héros juif. Après voilà, les nazis l'ont interdit en tant que héros juif. Il est circoncis, ça veut dire. On sait pas. Mais on voit jamais la bite de Superman. Est-ce qu'il y a le prévu de Superman quelque part? Comment tu peux le circoncire? Parce que techniquement, il est invincible. Tu ne peux pas. C'est qu'ils ont fait une kippa. Ciseaux en kryptonite. Putain, il devait se faire chier l'excluteur quand même. Je vais en faire une super kippa. Non, après, ça en fait pas. Je pense que ça en fait pas un héros juif. Ça en fait un héros inspiré par la culture juive. Exactement. Mais ça en fait pas un héros juif. Et enfin, au c'est fur et pas... à mesure, et tu le vois complètement dans les films de Snyder récemment, c'est devenu putain de symbole chrétien. Voilà. Mais je disais, les juifs attendent le Messie. Peut-être t'as même la Sainte Lance qui est dans le film. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le Saint Prépuce, c'est dommage. Mais voilà, les juifs attendent le Messie, attendent ce fils de Dieu qui va venir sur Terre. C'est pour ça que la fameuse Superman, c'est le Shabbat. Si tu attaques le jour de Shabbat, tu fais ah, aujourd'hui c'est sacré. Je vole pas. Je. Oui, voilà. Merci. Merci. Pour ce moment d'antisémitisme primaire, c'était très agréable. Je tourne dans un film avec Christian Clavier prochainement. Non. Bref, en tout cas. Ça serait beau. En un certain sens, oui, c'est le symbole de l'immigration juive. Mais aujourd'hui, Superman est devenu beaucoup plus que ça. Il n'est pas. C'est pas juste le héros d'Israël, quoi. Et vu que c'est un symbole américain, l'Amérique est très chrétienne, tu vois. Voilà, c'est, ouais. C'est l'évident. Et je pense que c'est devenu plus le symbole. Aujourd'hui, Superman, c'est plus le symbole de l'Amérique que du juif américain. N'est-ce pas, Stavro? Oui. Merci, Stavro. Heureusement qu'il est là. Mais ouais, je suis en train de mourir depuis tout à l'heure. Je suis dans le mal absolu. J'ai mal au crâne, au bide, au tout. Et tout le monde se moque de moi. Bah, on s'en bat les couilles. Et bah, laissez-moi agoniser en paix. Hein. Pourtant, bah, t'avais la médecine du travail ce matin. Ils t'ont pas donné. Tu leur dois quelque chose. Ouais, mais si le travail a dit que j'allais bien, mais ils se sont trompés, je crois. Ils ont pas fait tous les tests. Ils ont vraiment dit que t'allais bien. Oui. Ils t'ont fait un toucher rectal. Les mecs sont vraiment payés à rien foutre. C'était ce matin, moi, ce soir, ça va pas. du coup, c'est pas un héros juif. C'est dommage. Est-ce qu'il y a un Superman juif qui existe? On pourrait. Super cachère, je pense. Super cachère. Non, ça sonne hyper cachère, c'est chaud pour toi. Ah, je sais pas ce que je voulais dire. Je m'excuse auprès de tous nos copains juifs. En plus, c'est pas long. Bon, non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai qu'on en fait dans les exégèses une sorte de héros juif. On peut pas vraiment dire que c'est un héros juif. C'est vraiment poussé à l'extrême. Bah, plus maintenant, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un peu le héros qui va nous montrer ce qu'il faut faire, en fait. Et les deux, en fait, nous montrent, mais plus Superman, dans notre culture à nous, nous montrent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire utiliser toutes ses forces, peu importe quelle force, mais au service. Quitte à mourir. Au service de l'humanité. Je suis d'accord, mais Hercule, il le fait, à la fin, il devient Dieu, il a gagné, il est content, il retrouve sa mif, et tout va bien, tu vois. Pour moi, Hercule, il a un chemin et des objectifs vachement plus personnels que Superman, en fait. Oui, c'est ce que je disais, ouais. Et Superman, il nous montre vraiment, dans notre culture à nous, ce qu'il faut faire. Après, Hercule montre, dans sa culture à lui, ce qu'il faut faire. Le mode de vie bon pour les Grecs. Là, je vais faire un peu d'histoire de la philosophie, mais. Fais-le! On va reparler de Donner, du coup. Donner kebab, merci. Donc. Hercule nous montre ce qu'il faut faire pour un grec, tout comme Ulysse nous montre ce qu'il faut faire. Bah, il faut mettre un peu de pain, un peu de salade. On prend choisir la sauce. Salade, tomate, oignon. C'est retourner à sa place. Et Hercule, il veut retourner à sa place. Pour un grec, ce qu'il faut, le mode de vie. C'est Boer et Zazie, du coup. Qu'il faut mener, c'est être à sa place. Même chez Aristote, par exemple, dans la physique aristotélicienne, même les éléments ont une place. Le feu, c'est plutôt en l'air. Les pierres, c'est plutôt au sol. Voilà, toute la physique montre que les éléments eux-mêmes ont une place et que les hommes ont une place. La cosmologie. Superman a une place. Superman, il a pas trop une place, il a plutôt un rôle dans la société. Il doit défendre l'humanité parce qu'il doit mettre son en gros, il doit mettre ses forces au service de la nation, tout comme tout Américain doit mettre ses forces au service de la nation. Hercule, il ne doit pas vraiment mettre ses forces au service de la nation. Il doit retourner chez lui. En fait, il n'est pas à sa place en tant que. Il doit acquérir une sorte de paix intérieure, acquérir sa place dans le cosmos. Le cosmos, c'est ce qu'on appelle le monde grec, c'est-à-dire que tout a une place, tandis que chez nous, on a une place dans notre société. C'est de la femme. Et celle de la femme, merci. Voilà. La place c'est... de la femme, et c'est où On dit pas. C'est un scandale. J'essaie de construire quelque chose d'intéressant. J'essaie de d'apporter là, des idées. Moins, j'ai un peu moins. Essaye. Moi, j'essaie. Tu m'as perdu. Essaye. Un moment, t'as parlé de feu, d'air. J'ai pas compris. Alors, mais c'était pour dire que tout a une place chez les Grecs. Okay. Et Hercule, il a une place. Sa place, c'est auprès de son père sur le mont Olympe. Okay. Il doit tout faire pour acquérir cette place. Alors et il doit être en paix avec tout le monde. Okay. Alors que la femme doit aller dans la cuisine. Merci Stavro, c'est dit. Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. C'est clair. Hein. La cuisinos. Là, c'est clair. Grâce à l'exemple de la femme, j'ai compris. Zassa vient de dire, loin du micro parce qu'il ferme la fenêtre, cuisinos en grec. C'était très intéressant. T'as une autre contribution, Zassa ? Donc merci. Est-ce qu'on a fait le tour sur quel type de symbole représente ces deux personnages? Complètement. Alors moi je suis pas sûr parce que j'ai pas tout suivi, mais je vous fais confiance les gars. Je suis tout court avec vous. Est-ce que nos auditeurs en live, puisqu'on rappelle qu'on est en live et que ça va se reproduire très certainement, ont des d'autres questions. Mettez-les sur Periscope ou sur le compte de la fucking kermesse. N'hésitez pas à nous poser des questions. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire oui. On peut dire oui. Putain, ça allait pas, moi, j'étais pas bien. Là, ça va. On peut recommencer parce que je vais mieux là. Donc, on peut c'est fini on là. On peut refaire tout l'axe 2 là. C'est quasiment fini. C'est dommage hein, parce que j'ai raté pas mal de trucs. Hein. Ça avait l'air vachement bien. Ta vie, genre. Et bah, tu écouteras l'émission qui sera disponible sur iTunes et tu pourras mettre 5 étoiles, mon Stavro. 5 étoiles mettez-nous des étoiles. À quel point on est géniaux. Bah, moi non ce soir, mais je reviendrai plus fort. C'est vrai que Stavro est nul ce soir. Oh, j'ai dit pas génial. Attends, on a fait la 18 où il était mauvais, la 19, la 20 il était plutôt. Ça va. Il était dans la 19 il était ça il va. Il était un peu effacé mais ça va. Dans la 20 il était pas écoutez, là. Écoutez, il se passe quoi? C'est mon procès? Enfin, calmez-vous les gars. Si c'est ton procès t'es dans la merde. Le public sera mon avocat. Et alors je peux poser une sorte de dernière question. Qu'est-ce que vous gardez vous de ces deux figures? Quelle figure à la limite vous identifiez le plus et qu'est-ce qui vous apporte? En quoi vous avez un rapport personnel? On a compris que c'était pas Superman, hein. Ça, moi, c'est sûr. Je m'identifie beaucoup plus à Alain Dain, on sait, mais outre ça. À Hercule. À Hercule, parce que Hercule, d'un certain côté, il est un peu con. Il tape des gens avec des tabourets. Non, mais avec des tabourets, son arme de base, c'est une massue. Il est soumis à ses pulsions. Il porte un casque de lion sur la tête. Il ken. Il a réussi à faire 50 enfants en une seule nuit. C'est vrai que c'était un beau fait d'armes. Non, c'est vrai, on l'a même pas vu dans les faits d'armes quoi. C'est un bolos un peu Hercule. Tu vois, genre on lui donne de la thune, c'est il dit oh bah nique sa mère. Il combat le grand lion et puis le dimanche il regarde téléfoot quoi. Exactement, c'est Hercule ça. C'est un beauf et moi je trouve que du coup on s'identifie beaucoup mieux à lui. C'est vrai qu'une des grandes caractéristiques d'Hercule dans l'Antiquité, outre cette force, c'était aussi il aimait bien manger quoi. Il est connu pour être glouton. Bah, d'ailleurs glouton. Les fêtes qui célébraient donc dans le culte d'Hercule. C'est vrai que pardon, je fais juste une petite parenthèse. Il faut rappeler que là on parle du symbole, du mythe en tant que tel. Hercule était considéré vraiment comme un demi-dieu. Il était vénéré. Il a fait l'objet d'un culte. Les gens faisaient dans l'objet du culte d'Hercule. Héraclès, j'aurais aimé dire qu'on mangeait des raclettes. Mais non, ouais, c'est beau. On mangeait beaucoup de merde, on buvait, c'était très festif. On mangeait pas grand chose et on buvait pas grand chose à l'Antiquité. On buvait beaucoup, mais on buvait du vin coupé à l'eau parce que le vin était dégueulasse. Donc faut savoir qu'ils buvaient énormément, mais ils buvaient essentiellement de la flotte. Voilà. Et donc Zassa, lui, c'est plus Hercule parce que Zassa est un beauf et il est un peu con. Toi, Charles, c'est plus qui ton symbole? C'est vraiment génial. Je pense que Hercule, c'est quand même une figure très lointaine, ça, qui est complètement déconnectée, je pense, de nos problèmes de société, tu vois, à nous. Donc, trouve pas qu'il y a de l'actualité dans l'histoire d'Hercule. Pas vraiment. Et Superman, on a pas vu dire. C'est trop mal écrit en temps. C'est vrai, Stavro. Et Superman, les hydres se font. Vous êtes trop littéraux. Et Superman, j'y arrive pas parce que c'est trop mal écrit en temps normal. Toi, t'es trop littéraux. C'est un personnage qui 90% du temps est nul. Enfin, les histoires sont nulles. Donc. D'accord, donc toi tu t'identifies à personne, tu es ton propre maître, tu es le surhomme nietzschéen. Charles est surhomme nietzschéen, donc c'est une preuve que Nietzsche ça ne vaut pas grand chose. Oh, et toi Steven? Moi j'ai beaucoup plus tendance à apprécier Hercule, puisque Superman je trouve super chiant, et notamment il y a un truc qui me marque, c'est que dans tous les films ou les séries de Superman, que ce soit Lois et Clark, Smallville ou les films qu'on a vus depuis les films de Superman, ils prennent toujours l'acteur le plus plat au monde. Ouais. C'est vrai. Qui a toujours le c'est putain clair. De même visage. Henry de... Cavill. C'est Ken de Ken et Barbie, mais en brun, quoi. C'est vrai. Et je trouve qu'il est tellement lisse. Insipide. Quand... Voilà, il n'y a aucune aspérité sur laquelle tu peux t'identifier. Hercule a beaucoup plus ses aspérités et il a beaucoup plus une ambiguïté qui fait qu'on s'identifie. Il a beaucoup plus de failles et pour le coup, moi je trouve que Hercule est beaucoup plus nietzschéen que Superman, puisque Superman il va s'identifier à une sorte de morale acquise, tandis que Hercule, il fait son chemin. Et pour son le coup, bonhomme. Il est nietzschéen autant qu'il pose ses valeurs. Hercule il a besoin de son nom. Et son nom lui permet de faire des choses, et sa force lui permet de faire des choses, et c'est tout ce dont il a besoin. Après, c'est vrai que j'ai pas lu énormément de comics Superman. J'ai lu celui où il est vieux, je sais même plus comment il s'appelle. Kingdom Come, on a déjà dit. Kingdom Come. Voilà. Là, je le trouve plus intéressant parce que il a plus de failles, il est beaucoup moins lisse. Mais si on reste sur les figures mainstream, que ce soit pour Hercule ou pour Superman. Parce que Hercule, il faut savoir que, voilà, je disais, il y a Euripide, mais il n'y a pas que Euripide, il y a Sophocle aussi. Et là, il a des. Et comme Superman, il a des aspects très différents. L'Hercule d'Euripide a beaucoup plus de faiblesses que celui de Sophocle. Encore un nom grec et je t'interromps. Et donc, moi, je suis plutôt platonicien dans sa version aristotélicienne. Merci, Non, tout ça pour dire que si on reste sur le mythe très général. Je trouve que la figure d'Hercule est bien plus intéressante. Et toi, Stavro? Putain, à la base j'étais d'accord avec toi et après et tu nous as cassé les couilles. Je suis là pour ça. Rappelez-vous que mon spin-off va bientôt arrêter rire. Ah, ça va être bien. Ce que je voulais dire moi, c'était que j'étais. C'est chiant parce que personne n'est pour Superman. Moi, je trouve Superman plus intéressant en tant que personnage parce qu'il a le pouvoir ultime, qu'il pourrait tous nous buter, qu'il a le côté dieu sur Terre et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires cool à faire avec Superman et que c'est un peu trop facile de dire oh, il est lisse. Je trouve que vous êtes pas assez dans tout ce qu'on peut faire avec ce personnage. C'est pas parce que ça a pas été fait que ça peut pas être grave cool on juge les œuvres qu'on a sous le nez. Oui, mais la base de Superman, c'est des comics, on en a tous pas lu assez à part Charles, quoi. Voilà. Le problème, c'est que c'est un personnage difficile à écrire en fait, et que les auteurs qui bossent dessus n'ont pas le talent pour. Je suis d'accord, mais du coup, si on me demande mon avis personnel, ce serait plus Hercule évidemment, parce que il est comme ça. Moi aussi, je suis un beauf un peu con, donc j'aime bien Hercule, il est cool. Et puis The Rock, il est rigolo. Et aussi, voilà, fallait que j'en parle. Hercule, je l'aime pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, je regardais la série Hercule qui passait sur TF1. Hercule. Qui a donné Xena la guerrière, qui a donné Hercule Junior avec Ryan Gosling. Ryan Gosling, incroyable. Hercule Junior. Et cette série avec Kevin Sorbo, un acteur assez craignos, ça vous pouvez aller voir sa tête. Elle était trop bien. Moi, tous les week-ends, je regardais Hercule et ça m'a. Mais elle était trop bien quand t'avais 8 ans. Oui, j'ai regardé le pilote pour SK. Xena la guerrière, tu regardes ça maintenant, voilà quoi. Ouais, mais j'ai regardé le pilote quand j'étais petit, c'était bien craignos. Et ceci dit, c'est une série qui a eu 6 saisons, 5 téléfilms, 2 spin-offs et qui a été produite par Sam Raimi. Donc c'est quand même une série pas craignos, c'est vrai. Est-ce que Sam Raimi a fait un Superman? Je ne crois pas. Ah là, ils ont pris Zack Snyder. C'est un signe. Ouais. Ouais, ils ont pris un gros beau. Et un kebab. Et est-ce que Ryan Gosling a joué Superman? Je ne crois pas non plus. Et ouais. Tout ça. Et en plus, après, il a été joué par Dwayne Johnson. Donc voilà, Hercule a quand même été vachement bien représenté, quoi. Et les choses étaient. Mais c'est vrai que après, dans l'infinité des histoires sur Superman, bien sûr qu'il y a. Je pense qu'il y en a pour un peu tout le monde. Mm-hmm. Ouais, j'ai été coupé d'ailleurs tout à l'heure, mais j'avais conseillé Kingdom Come, mais je conseille aussi All Star Superman, avec les fameux 12 travaux de Superman. Superman for All Seasons, qui est où en fait Superman est traité de façon très fragile, sa puissance n'est. Fragile! En fait, le problème de Superman. Superman, c'est une sorte de bateau fragile. C'est qu'il a beau être extrêmement puissant, sa personnalité, c'est sa faiblesse en fait. C'est son côté humain. Qui est sa faiblesse, et c'est le fait qu'il s'attache aux gens, qu'il a envie de s'intégrer, qui est là sa grosse difficulté. Et ces histoires-là traitent ça très bien. Enfin, surtout All-Star Superman et Superman for All Seasons. Non, c'est un mec Pèse normal. Comme un autiste. C'est un mec comme toi et moi qui a juste une puissance démesurée, quoi. Comme moi, quoi, du coup. Mais est-ce qu'il y a vraiment des comics de Superman, si tu sais, où il y a. Parce que Superman, dans son aspect mainstream, il y a un peu le truc où on sait toujours ce qu'il va faire, contrairement à Hercule. Est-ce qu'il y a des comics où on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, à part Red Son, où il est communiste. Bah t'as tous les Elseworlds évidemment où tu te retrouves avec des Superman, tu sais genre les terres parallèles où Superman, il y a toujours un petit twist qui fait que Superman va agir différemment. Red Son c'en est un, mais après t'as aussi Earth 2 en fait où Superman est en quelque sorte ressuscité par par Apocalypse dont on parlait d'ailleurs et qui devient du coup un espèce de tyran, tu vois, enfin ouais. un général des armées, ouais. machin, mais ou encore Injustice où c'est pareil, tu vois, il y a le petit twist de Lois Lane qui fait que Superman devient fou, etc., etc. Mais c'est mais Superman justement c'est là où je trouve que le personnage est très fort, c'est que malgré toutes les merdes qui peuvent lui arriver, la version de base de Superman en tout cas ne déroge jamais à ses principes. Moi j'ai une question, Charles, par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu connais bien le personnage de Bizarro ou pas? Un peu, ouais. Mais il y a plusieurs versions là aussi. Mais... Parce que du coup, finalement, est-ce qu'on pourrait pas essayer de définir Superman par ce qui est censé être l'anti-Superman? Oui. Du coup, bah, vu que tu définis l'anti-Superman par ce qui est censé être Superman, c'est un peu compliqué quand même. Oui, mais l'anti-Superman Bizarro, c'est quoi ses caractéristiques finalement? C'est pas forcément qu'il fait le mal et qu'il fait pas le bien, tu vois. Genre, c'est qu'il fait. Il dit l'inverse de ce qu'il veut faire, il dit l'inverse de la logique en fait finalement. Mm-hmm. Fait des trucs complètement illogiques, donc est-ce que je sais pas, est-ce que t'as ouais, c'est une sorte de miroir inversé quoi. Ouais, c'est mais ça. Du coup mais le... c'est pas dans le sens du dans le comics en général, t'as toujours la version opposée du personnage. Bizarro c'est plus une version un peu comique inversée, mais c'est pas la vraie opposée de Superman. D'accord, ok. Bon bah du coup ça marche pas et j'aurais après, fait mieux fait de fermer ma gueule. T'en as qui est le genre on écrira ça sur ta le tombe. Zod, le vrai j'aurais mieux fait de fermer sa gueule. La vraie version opposée de Superman c'est le général Zod en fait. Ouais, général Zob ouais. C'est ça. Parce que lui il est pas circoncis, qui est pas un général, qui est pas un mec, tu sais, qui est pas un fils de scientifique, qui est pas là pour faire évoluer la société, mais qui est vraiment un militaire et qui est là pour tout péter quoi. Eh bien merci. Ça ne m'a pas du tout intéressé comme ce qui vient de se passer, donc ouais, je voulais que ça s'arrête. On m'a lancé, je suis parti mon gars. Ah mais il y a aucun souci, ça a sûrement intéressé beaucoup de gens, juste pas moi. Du coup, faudrait qu'on change d'animateur en fait, ce serait pas mal. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui ça va pas, mais ça va revenir. On va lancer un grand concours d'animateur. Non, mais ça bien le faire dans les prochaines. Mais je t'ai déjà dit qu'il pouvait avec plaisir. Bah vas-y, la prochaine. C'est déjà pas sur TF1 le grand concours des animateurs. Oh, c'est un bâtard. Il pose son veto, souvenez-vous. On en ouais, parlera. C'est vrai qu'on. Question quiz. Alors sur le chat, juste. Ah, mais c'est pas une alors... question de quiz. Mon quiz de la F4-10, il était très bien. Je suis désolé. Bon, c'est pas l'heure de parler de ça. Le c'est dernier, l'heure. Mon gars, le de dernier, terminer cette partie qui juste ne veut sur, pas. Sur le chat, ça parle pas mal de Red Son et. On en a quand même pas mal parlé de Red Son. Ouais, c'est. Oui. Donc, voilà, on en a parlé. Réécoutez la FK. Elle va sortir bientôt, d'ici un mois. Quand on aura coupé toutes les parties qui ne sont pas intéressantes, où je dis n'importe quoi, où je dis que j'ai mal au crâne. Tout ça. Là, tu parles pas beaucoup, donc ça va. Jackpot alors. Donc maintenant, c'est l'heure du fameux, et là, c'est l'heure où tout le monde va devoir se servir un petit verre, se lancer, jeter en l'air ses idées pour l'attraper à la volée et en faire des petits châteaux de cartes qui ne devront succomber. Non, ce. Non. Oui, oui. C'est l'heure du combat réel, bien sûr. Non, c'est quoi ça? On me tend un verre. Et bah, bois. C'est bon, c'est... putain. Tu dis que tout le monde doit boire et toi tu bois de l'eau. Super le mec. Super. J'ai pas dit ce qu'on devait boire, moi je suis malade. On a compris. Alors... pourquoi il était nul ce soir, il boit de l'eau le mec. Alors, j'ai dit que j'étais malade, laissez-moi, c'est la kryptonite, j'ai un souci. On vous a dit qu'on utilisait trop. Hein. Bon, moi je pense que ta kryptonite c'est l'eau, mec. Peut-être. L'eau et alors, les légumes. S'il y avait face à face Hercule contre Superman, qui gagnerait? Et est-ce qu'on doit faire des teams quand même là? Oula. Moi, alors, je sens que on a tous dit Hercule sauf Charles. Qui a dit personne? Attends. C'est pas parce qu'on préfère Hercule qu'en combat réel, on défend qu'Hercule gagnerait. Donc tu défends Superman avec Charles? Moi, je défends Superman. Ok. Et bah, on est super. Et là, je crois que j'ai. Dans une situation compliquée. J'ai choisi la mauvaise équipe. Alors, bah, on va laisser Hercule commencer, je pense, parce que vous allez vous faire niquer. Mais... moi, j'ai un bon argument. Vas-y. Dwayne Johnson. Celui qui joue Hercule dans le film Hercule qui est sorti en 2014, un truc comme ça. Une journaliste lui a posé la question, qui gagne entre Hercule et Superman? Et il a dit Hercule. Oui, mais puisqu'il parce a dit qu'il fait sa promo. Il connaît bien l'acteur qui joue Superman et il a laissé entendre que c'est un gros tâcheron, ce avec quoi je suis d'accord. Et du coup, il a dit qu'il lui botte le cul. Oui, Superman, c'est pas Henry Cavill. Bah pour c'est l'instant, c'est vrai si. Que Superman c'est pas Henry Cavill. Pour l'instant, c'est. Bon, en même temps, Christopher Reeve, ils vont pas du rêve non plus. Hein. Il y en a qu'un. Il y a un Superman, il a fini en fauteuil roulant. Alors, c'est dire. Ouais, bah, Charles Xavier, en fauteuil roulant, il lui nique sa mère. il va dans son cerveau, il lui fait croire que c'est Charles de 3 Xavier ans. Contre Hercule. Ah, on dit lui Superman. C'est Superman en fauteuil roulant. Il suffit que Superman, c'est le soleil qui lui donne sa force, donc la nuit il est pas fort. Voilà, on donc attend vous la nuit. Déjà vous êtes pris un handicap, vous êtes en fauteuil roulant. Superman il vole, tu vois, il sort de la planète, tu vois, il va au soleil et c'est bon, il revient, tu vois, il résiste à des bombes atomiques. Superman, il va chercher Hercule, il le prend, il l'emmène en orbite et Hercule il fait pas le malin. Hercule dans l'espace, il fait Hercule, pas le malin. Hercule en orbite, il est sur l'Olympe, c'est chez lui, il est bien. L'Olympe c'est en orbite. Non mais attends. Bah, l'Olympe c'est au-dessus, c'est ancien. Ouais, l'Olympe c'est Hercule, super haut, il respire, c'est un demi-dieu quand même. Autre argument, Hercule, sa team, à un moment, ça a été les champions qui ont été lead par la Black Widow. S'il te plaît, le on héros le plus rien. Initié du monde. La team des champions. Il parle du Hercule de Marvel. Hercule de Marvel, il a été dans une team où la chef c'était la Black Widow, s'il te plaît. Bah, Superman, attends, il est à la tête de la Justice League. Le mec, il connaît Scarlett Johansson. Hercule dans l'univers Marvel, c'est quand même devenu un gros has-been, quoi. C'est vrai. C'est merde, on peut le dire. Il est traité de façon gros beauf, comme vous le disiez, et c'est devenu un gros has-been. Il sert à rien, alors que Superman, il est à la tête de la Justice League et il vous nique vos mamans. Claire. C'est lui qui a la tête de la Justice League. Et Superman, il s'est confronté à des dieux, tu vois, mon gars. Alors Hercule c'est juste un demi-dieu. Bah Hercule c'est Hercule le fils des dieux. Se confronter à des dieux aussi. Bah oui, Hercule par rapport à l'humanité, Superman c'est un fils de dieu aussi. Non, c'est un fils d'alien. C'est pas pareil. Mm-hmm. Ouais, mais c'est un fils de martien. Ouais, mais il est considéré mec, comme étant un dieu. Quand t'es un mec qui c'est considéré le fils de comme c'est le fils de Alf. Ouais, et là, c'est le fils Superman, de Alf. Qu'est-ce que tu fais? Non, Superman c'est Alf. C'est ça. C'est vrai, Superman c'est Alf. En fait, vous êtes Alf en fauteuil roulant. Qu'est-ce que vous faites? Non mais attends. Déjà Hercule regarde ses ennemis. Hercule il vient du Nord. Hercule il se bat contre un sanglier. Hercule c'est un putain de bosseron de merde comme on l'a dit. Il nettoie paysan. Il nettoie des putains d'écuries de merde. Voilà, il nettoie la merde et la merde. Et il vire les sangliers. C'est un putain de campagnard de merde. Parents, c'est Superman, excuse-moi, mec, il sert la cantine avec son esprit. Est-ce que c'est mieux? Oui mais ça c'est chez les Indiens. Ah bah ça compte pas. Ça compte tout à fait. Parce que pour les Indiens ça compte pas. Est-ce qu'on sait ce que fait Hercule chez les Indiens? Ça se trouve il fait des trucs super bien chez les Indiens. Bah on sait pas. Il fait peut-être des poulets gambas. Il fait des tagines. Mais c'est pas indien les tagines, putain. C'est Superman tunisien, je sais pas ce qu'il fait. Moi je sais. Non, mais c'est vrai. Il vole comme Superman. Tu sais que c'était une blague dans ma chronique, ça, à la base. Il vole comme mon père, mais bon, je sais pas. Il y a aussi un comics chez DC de Superman contre Hercule avec Wonder Woman. Ah, donc il est obligé de s'allier à Wonder Woman. Superman et Wonder Woman contre Hercule. Ah merde. Oh ah merde. Et j'ai pas fini parce que c'était de la merde. Voilà. Tu vois, dès qu'Hercule a intervient dans une histoire, paf, c'est de la merde. Et boum. Je valide. Attends. Ton argument. Attends, parce que les films avec Superman sont bons. Pop. On s'arrête là. Je ne crois pas. Mais non, mais depuis tout à l'heure. Les films avec Hercule. Parlons des films avec Hercule. Pour les être séries gentil. Avec Hercule. C'est vraiment la sous-classe des séries. C'est vrai les qu'on tourne autour du pot parce qu'on évite de dire que Hercule il chope un peu de kryptonite. Superman, il n'y a plus personne. Attends deux secondes. Deux secondes, les gars. Est-ce que tu peux me dire qui jouait Hercule? Non, qui jouait Superman dans une série avec Superman? Bah Tom Welling. Ouais, super. Qui jouait Hercule dans une série avec Hercule? Ryan Gosling. Oh! Voilà. Et en quoi Ryan Gosling c'est une putain de référence? Et pourtant, tu vois, même avec Ryan Gosling, c'était une série de merde. Pour te dire le niveau du truc, quoi. Tu vois? Bon, je crois que c'est trop long. Je crois qu'on a bien compris qu'Hercule avait gagné. Non, je ne crois pas. Mais je non, crois mais pas. On n'a même pas parlé capacité. Voilà, c'est Superman vrai. Il arrive, super vitesse, blam blam blim. Super boum, force, c'est super fini. Distance. Hercule, il a même pas fini de se torcher le cul, c'est niqué. Hercule a quand même porté le ciel pour aider Atlas. Est-ce que Superman il porte le ciel? Je crois pas. Quoi. Alors dans, Superman il porte l'humanité. Superman, il a des rayons X, mon gars. C'est quand même hyper pratique. Il peut voir la bite d'Hercule et lui dire qu'il a une petite bite. Et ouais. Il peut voir. On marque lui, il est circoncis. Non, il est pas circoncis. C'est Superman qui est circoncis. Ouais. On vous a dit qu'il pouvait pas chalope, il pouvait pas se couper la bite. Il peut pas. Putain. Et ça, sachant que. Est-ce que les rabbins de Krypton. Est-ce que les rabbins de Krypton font ça à la kryptonite? JB nous a dit Superman a perdu contre Mohamed Ali. Ah, c'est vrai, merde. C'est vrai. Est-ce que Hercule a perdu contre Mohamed Ali? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Dans les 12 travaux, il n'y a pas la défaite contre Mohamed Ali. Ça serait trop polémique. Le surhomme contre Mohamed Ali. Peut-être dans le prochain film de Superman, il se battra contre Mohamed Ali. C'est plus actuel. C'est plus. Non, mais voilà, je pense que Hercule a gagné puisque non. Hercule, c'est pas les valeurs de l'église, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis au pire, si Superman il a un peu trop de puissance, Hercule il a un petit éclair dans sa gueule pour aider Zeus. Et hop voilà, pour aider son fils. Ah bah super. Un éclair. Ah bah voilà. Il résiste à une bombe atomique. Il a besoin d'aide. Les parents d'Hercule sont morts, ils peuvent pas l'aider. Non, de Superman sont bah, morts. Oui. De... Bah ouais, parce qu'il a pas pu les sauver. Mais c'est il a pas besoin. Merde. Il a pas voilà. besoin. Bon, c'est bon, je crois que c'est fini. Hein. Je crois que Superman a gagné, qu'on peut s'arrêter. Ouais, bah, je crois que comme tous les versus de l'AFK, le combat continue. Le combat continue. Le combat continue. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'humour qui a gagné. Le combat continue au hashtag Stavro. Et bah, il a toujours mal de tête. Hercule vs Superman. Ah, excellent, merci. Hashtag enculade. Hashtag Toj vs Cap. Non, mais directement, vous mettez FK. Ah, FK, Toj vs Cap, ça ressemble à DSK. Toj vs Cap. Voilà. Toj vs Cap. Ouais, c'est trop long. Bah, Toj Cap. Cap Toj. Cap Toj. Cap Toj. Le mec, il cherche un jeu de mots en live. Shalom contre Away. Ah, ouais, c'est faut qu'on s'arrête. Bon, on s'arrête, ouais, en effet. Merci de ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on a fini, Stavro? Mais alors, non, moi j'hésite entre vomir et faire une vie Patrick. Qu'est-ce et que bah, je fais? Fais les deux en même temps, mec. Ouais, grave. Ah bah, c'est parti. Vomi Patrick. La vomi Patrick. La vomi Patrick. Et bien, c'est maintenant, c'est la vomi Patrick. Allez. Merci, ça va. Alors aujourd'hui dans la vie Patrick, qu'est-ce qu'on fait? On fait bien sûr les 12 travaux de Patrick. Oui. Est-ce qu'on en fait vraiment 12? Non. Parce que c'est trop long. Oui. Parce que Stavro a commencé sa chronique à 18h. Comme un connard. Patrick, fils de Gisèle et Riton, héritier de quelques agios et d'un antique futon, fut, on le dit, le héros de l'épopée que je vais vous conter. Oh. 12 travaux, 12 tâches, accomplis fièrement, fier de Patrick, se lâche, un héros porté au firmament. Au pire moment, il sut quoi faire, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à sa gloire, on lève nos pastilles, tandis que lui soulève nos mères au paradis. Son premier exploit semble banal, Patrick s'est réveillé vers 8h47, mais à tous les sots qui en diraient du mal, je dis, se lever si tôt après la fête, quand on a encore l'anis en tête et la tête dans l'anis, c'est digne des, c'est digne des annales. N'est-ce pas? LOL! 9h, il est au bar, musqué. Ohé, ohé. Avec son copain René et son muscat. Mais René refuse à Patrick une barre chocolatée. Alors Patrick dut lui rappeler ses incartades avec Brenda. Ainsi, terrasser son ancien ami pour finalement dévorer à pleines dents le lion de René. Tel est son second exploit. À 10h, le désir chez Patrick grandit. Le muscat ne suffit pas. À son besoin d'inédit, il veut que sa pétille frétille sur ses papilles et demande donc au barman, Émile, de lui servir les bulles de Vincent. Les bulles de Vincent, ce breuvage maudit, qu'on dit dégueulasse, qui provoque l'apathie. Mais appâté, Patrick le but et se releva sans béquille. Il avait terrassé cette bouteille redoutée de toute la taverne. Oui, il l'a fait, il l'a bu, le cidre de Delerme. Oh. Patrick, comme le soleil, était au zénith, et à l'heure du grand midi, continua sa route. S'il avait pu boire ce cidre qui coupe toutes les fêtes, sa cuite aujourd'hui fera date et sera plus belle que celle du mois d'août. Il alla donc défier Gérard, qui lui les verres les buvait deux par Dieu. Et le provoqua en duel, afin de voir lequel, à la duvelle, résisterait le mieux. L'affrontement fut terrible et les deux titans titubaient sans toutefois tomber. Mais Gérard gerba et vaincu vociféra « Et y'a pas là que je t'ai reculé, enculé !» Patrick, patraque, mais pas pour autant perdu, continua son épopée jusqu'au prochain PMU. Il narra ses quatre victoires et tous le saluèrent. Ils firent la fête jusqu'au premier RER. L'air hagard, Patrick se releva, la soif toujours là. Mais la patronne éplorée l'implora. Aide-moi pour le ménage, c'est trop le bordel! Patrick le fit contre une ardoise nouvelle. Il nettoya ce rat de crasseux depuis des éons en utilisant son propre corps comme un chiffon. Toutes les taches du sol au plafond, même celles sur le visage de Jean-Luc, ce pochetron, il est reparti comme il était venu, sans payer et avec un surnom digne de ses vertus. Patrick, l'homme serpillière, le nouvel Ajax, s'en allant vers d'autres travaux, toujours au max. Mais ceux-ci seront comptés une autre fois, car n'est pas Patrick qui veut. Si lui a le foie inébranlable, moi je ne suis qu'un minable. Il faut des cuvées pour que vous découvriez des couvriers assénés par Patrick au destin tragique qu'on lui promettait. Oh, ouais, c'est magnifique. Génial. Du génie. Je suis impressionné. Il se réveille sur la fin. Et oui, sur la ligne. Enfin, j'aurais apporté une pierre à cet FK après d'avoir rien dit. Impressionné. Comme la Tifada. À la 89e minute, ouais, c'est ça. Et il marque un but. Et oui, on ne l'attendait plus. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu malgré mon état, mon très belle chronique. Merci. Je me sens un peu comme les écuries d'Ogias là actuellement. Sur le chat, on dit que c'est beau et que c'est magnifique et il y a plein de cœurs. Ah, ça fait plaisir. Merci à vous. Désolé, c'est mérité. Pour ce soir. Est-ce que c'était une bonne FK? Dites-nous maintenant qu'on est en live, on peut. C'est vrai parce que là, on arrive à la fin. On peut passer à la partie qu'on va couper. Vous pouvez réagir un peu. Oui, on peut. Vous pouvez répondre aux questions. On peut faire une petite 5 minutes de réponse aux questions s'il y en a. Normalement. Bon. En tout cas, on va faire les questions en off. Du coup, tu te démerderas. Alors, merci du coup à tous d'avoir suivi. C'était un bon moment. On espère vous avoir donné des pistes de réflexion sur Hercule, sur Superman, sur les circoncis, sur les gens qui tapent des gens avec des tabourets. Enfin, sur tout ça, quoi. Sur vraiment une sorte les symboles et la vie. La vie, carrément. On remercie Charles d'avoir fait le déplacement. Merci Charles. D'avoir apporté son expertise. Est-ce que t'as un peu de pub à faire quelque part? là, comme ça. T'es pas dans le podcast d'Ardo? Mais si, oui, pour les têtes à clic, dont on a fait le deuxième podcast. Arnaud qui était invité dans la FK 7, je crois. 8. Sur l'alcool. Donc il y a un nouveau podcast donc, d'Arnaud. Oui, qui fait les têtes à clic. Donc on est à notre deuxième épisode. On enregistre le troisième ce week-end. Sur quel sujet? Sur un podcast sur deux, on a une thématique. Ouais. Et donc la dernière, c'était le 2, c'était sur les Versus. Ouais. Et donc la prochaine, on n'a pas de thématique. Et moi, je vous ferai une petite chronique sur les Warhammer. De Flémar, parce que je t'emmerde, mon gars. Oh là là, sur les Warhammer. T'as bien raison. Ouais, bien raison. Donc voilà, vous connaissez une émission à ne pas écouter. Et voilà. Si vous avez 40 balles en trop, bien sûr, achetez des Warhammer. Mais non, justement. 40 balles, t'es bien gentil. Le principe de la chronique, ça veut dire les Warhammer, c'est devenu de la merde. Mais heureusement, il y a Total War Warhammer. Tu vois. Attends, ça va revenir, ça. Ok, donc on vous remercie, Steven, Zassa, merci. Je m'excuse pour ma maladie tombée pendant un podcast. Je suis en PLS total dans mon corps. Donc j'étais pas très là. Mais heureusement, on est 4. Du coup, il y en a 3 qui peuvent parler, hein, qui peuvent vomir, c'est bien. Et on se dit à bientôt pour la FK jeu ou pour et autre surtout, chose. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ouais, on a. Important. Attendez, petit détail avec lequel on s'était mis d'accord. Si vous avez des sujets pour la prochaine Vie Patrick, on aimerait bien que ce soit vous. Sur le live, dites-nous. Dites-nous des sujets de Vie Patrick Twitter, et on choisira l'idée la plus sympa. Surtout si vous vous appelez Patrick d'ailleurs. Surtout. Mais ça sera pris en compte. Mais on aimerait bien avoir vos idées parce qu'on galère à trouver des sujets de Vie Patrick. C'est vrai que c'est toujours super chiant. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est des sujets de Vie Patrick, des étoiles sur iTunes avec des commentaires sympas parce que moi je les lis, ça me fait plaisir. Et de l'alcool. Et de l'alcool. Et oui, si vous pouvez, continuer sur cette belle lancée de Julien et du domaine de Pélissol. Au cybercafé, je suis là pour les prendre. Bien sûr, venez, ça fera plaisir. Donne l'adresse peut-être. Jusqu'à quand? C'est à Gare de Lyon. Je suis là jusqu'à fin juillet, je crois. Bref, allez, c'est trop long. Merci à Clara de nous avoir accueillis. Merci aux gens de Periscope de nous avoir suivis tout Periscope. Ce temps. Merci pour ton moteur. On fait des bisous. Et voilà, à bientôt pour la FK numéro 22 qui sera sûrement vachement bien. Salut! Bisous. Ciao, ciao.